Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guimauzo, 107 MHz. Depuis 40 ans qu'elle existe, cette radio locale et libre. Alors qu'est-ce qui est le plus important, qu'elle soit locale ou qu'elle soit libre? Eh ben, moi j'aurais tendance à dire les deux. Hein. Alors ce soir, émission calendrier des esclavages et des libérations. Ah oui, il y a les deux. Comme ça la vie. Alors, au programme de ce soir, Alexis Corbière, ce gouvernement est précaire, ah oui, ça dépend du résultat des élections prochaines. Alexis Corbière a encore Madame Borne n'est pas de gauche, Madame Borne n'est pas de gauche, on s'en doutait, on s'en était rendu compte peut-être, mais faut préciser les choses quand même de temps en temps, faut rappeler. Blast législative à droite et à gauche, ça grogne. D'un côté ou de l'autre, bon. Clément Viktorovitch, l'Union populaire face à une campagne de dénigrement. Raphaël Pitti, situation en Syrie, honte du monde occidental. Eh oui, il y a l'Ukraine et puis il y a pas mal d'autres endroits où il se passe des choses, comme en Ukraine, ou pire. Le discours engagé de Vincent Lindon au Festival de Cannes. Ah oui, Vincent Lindon, là, il a parlé admirablement. Témoignage des sous-traitants des centrales atomiques. Oh là là. Oh là là, travailler dans une entreprise sous-traitante d'une entreprise qui travaille dans une centrale atomique, eh ben, moi je vous dis que ça. Le Média, les dernières nouvelles de la propagande macroniste. Et puis, ben, une petite revue de presse, hein, et voilà. Ce sera tout pour ce soir. Thank you. Calendrier des esclavages et libérations du 30 mai. Que s'est-il passé le 30 mai 1431 en France? Jeanne d'Arc, Jeanne d'Orléans, je préférerais moi, est brûlée vive à Rouen comme hérétique. Non, elle n'a pas été brûlée. Elle était d'origine noble, elle ne pouvait pas être brûlée. Deux erreurs dans une seule phrase. Jeanne d'Arc est brûlée vive à Orléans comme hérétique et relapse, à la satisfaction des bourgeois de la ville et de l'Inquisition. Alors il faut relire le livre de Roger Collet pour savoir la vraie histoire de Jeanne dite d'Arc, qui en fait s'appelait Jeanne d'Orléans. 1909, France, grande fête populaire à Méru pour célébrer la victoire. 1909, USA, fondation de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur contre la ségrégation raciale. 1913, Mexique, parution du périodique El Sindicalista, organe des syndicats rassemblés dans la Casa del Obrero Mundial, titre de la première page, malgré toutes leurs promesses, les politiques ne sauveront pas la classe ouvrière. C'était en 1913 au Mexique, hein. Rien à voir avec les élections législatives en France de 2022, hein. Non. 1925, Chine, massacre de Nankin Road. Les syndicats révolutionnaires, les syndicats étudiants, les communistes et le Kuomintang rassemblent 10 000 personnes sur l'artère principale de Shanghai pour protester contre les agissements impérialistes dans le pays. Les chefs du poste anglais prennent peur et font ouvrir le feu sur les manifestants, faisant 12 morts et 50 blessés. Ces événements auront un impact profond sur la population de la ville et de la campagne environnante. 1936, France, lors du Front populaire, suite à la signature d'un accord, le travail reprend chez Renault et dans la région parisienne. 1937, USA, la police ouvre le feu sur un meeting à South Chicago. 10 travailleurs sont tués et une centaine blessés. 1942, Allemagne, terrible bombardement britannique de Cologne. 1949, République démocratique allemande, constitution de la RDA, République démocratique allemande. 1968, France, le général de Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il fait appel à l'action civique, entre guillemets, action civique, contre une entreprise totalitaire, entre guillemets, entreprise totalitaire. Une manifestation aux Champs-Élysées rassemble divers milieux de droite et d'extrême droite. 1982, France, manifestation d'écologistes français, suisses et allemands en Alsace, à Fessenheim, Markolsheim, dans les Ardennes, Chauze et dans le Tarn-et-Garonne, Golfech. Voilà, le 30 mai. Alors, mon livret s'arrête au 30 mai 1982. Hein, oui. Mais depuis 1982, bien évidemment, il s'en est encore passé des choses, bien entendu. Graziani, vous recevez ce matin Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Messieurs, bonjour. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Cyril Graziani. Je vais être un petit peu provoque. Il vous fait rêver ce gouvernement ? Il est précaire. Je lance un conseil amical qui défasse pas les cartons, parce que dans un mois, ils s'en vont. Au mois de juin, ça, là. Ça, vous y croyez encore? Bah, je me bats pour ça, et puis je pense que ce serait bien pour le pays, parce que fondamentalement, sur les gros ministères qui vont décider, c'est les mêmes. La maltraitance qui a eu lieu pendant 5 ans va continuer. Monsieur le maire d'économie, monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, le monsieur Guérini, qui a été choisi pour la fonction publique, est un homme qui trouvait en 2019, bien qu'on supprime 150 000 postes de fonctionnaires. Ça, c'est le lourd, c'est le sérieux. Madame Borne est là. Et la grande feuille de route, c'est placer la retraite à 65 ans. Donc, c'est un gouvernement de combat. On prend les mêmes et on recommence ? Sur les choses fondamentales, oui. Et je crois que ça montre bien. Alors, c'est d'autant plus paradoxal que vous aviez entendu, comme moi, le président de la République dire, suite à son élection, qu'il fallait tout changer. Et à l'arrivée, c'est quasiment les mêmes. Vous connaissez la célèbre phrase « Tout change pour que rien ne change ». Ça, c'est Macron 1. Puis là, il y a Macron 2. Rien ne change pour que, après, sur le fond des dossiers, on remette en cause, effectivement, l'âge de départ à la retraite qui concerne tous les Français. Que ceux qui m'écoutent comprennent bien l'enjeu de les élections en juin, dans un mois, c'est vous voulez travailler jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire, en vérité, pour beaucoup de gens, ne même pas arriver jusqu'à tous ces trimestres à avoir une retraite, des pensions encore plus basses, ou avec la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale et Jean-Luc Mélenchon, 60 ans, le blocage des prix, parce que c'est la question fondamentale, les produits fondamentaux, vous l'avez vu quand vous allez au supermarché, 10-15%, est-ce qu'on augmente le SMIC, est-ce qu'on crée des postes, notamment dans la fonction publique et chez les enseignants, parce qu'il y en a besoin, etc., etc. Chez les enseignants, justement, il y en a un. Voilà, il y en a un. Il y a une nomination qui a été saluée, même par Jean-Luc Mélenchon, oui, qui a parlé de nomination audacieuse. C'est l'arrivée au ministère de l'Éducation nationale de Pap Ndiaye. Est-ce que vous saluez, vous, cette nomination ? Alors, faut être précis, Pap Ndiaye est un bel intellectuel. C'est un homme qui a écrit des ouvrages fondamentaux, notamment, je pense, à La Condition Noire qu'il a écrit, universitaire, un homme sérieux, et qui, précisément durant ces 5 dernières années, a parfois, à juste raison, remis un peu de sérieux et de rigueur dans ces campagnes absurdes qui étaient menées notamment par Monsieur Blanquer et Madame Vidal, c'était la dame qui était ministre de l'enseignement supérieur, comme quoi il y avait un islamo-gauchisme à l'université, et sa parole avait été juste. Et je dois dire que sa nomination... C'est un revirement idéologique à 180 degrés, alors, la vue du président. Qui manifeste une forme de cynisme total. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on laisse faire Monsieur Blanquer, je le vois encore à l'Assemblée nationale, nous insulter avec les députés de cette majorité, nous traiter d'islamo-gauchistes, et Monsieur Macron a laissé faire. Pas Jean-Michel Blanquer, ça c'était plutôt Frédéric Vidal. Non mais même Jean-Michel Blanquer, pardon, mais je le vois encore me répondre lors de questions au gouvernement, en nous traitant que j'étais un destructeur de l'école, un islamo-gauchiste, le wokisme, tout ce que les Français ont entendu. Monsieur Macron a laissé faire. Élection présidentielle, extrême droite au second tour, Zemmour qui chevauche ses thèmes. Et là, d'un seul coup, on a un ministre qui est totalement en désaccord avec ça. Mais où est le vrai Macron? Parce que c'est lui qui décide. Il pense quoi, Macron, de tout ça? Il a laissé faire Monsieur Blanquer, et aujourd'hui, il nomme quelqu'un qui est intellectuellement... Moi, je le prends pour un homme rigoureux, Pap Ndiaye. Mais quelle est la cohérence? On lâche des idées dans la société, puis après on dit, en fait, non, mais on n'y croyait pas. Moi, l'impression que ça me donne, pardon, c'est que Monsieur Macron, sur les sujets fondamentaux, l'économie, c'est un libéral, il sait où il va. Il veut effectivement, de plus en plus, aller vers des privatisations de nombre de services publics. Il veut supprimer des postes de fonctionnaires. Il veut faire travailler les Français plus longtemps. Mais après, sur l'idéologie, il est d'une souplesse qui confine à ce que j'appelle le cynisme. C'est-à-dire, en fait, il s'en fiche. Mais vous pensez qu'il fait des coups de com'. Il a en tête les législatives et il se dit peut-être aller grappiller des voix à la France Insoumise, à la NUP, avec cette nomination. Totalement. C'est ce que je crois. D'ailleurs, vous voulez même que je vous dise l'heure du changement de l'annonce de gouvernement. Vendredi, les Français le savent peut-être pas, c'était le moment où se terminent les dépôts des candidatures législatives. Ils choisissent ce moment pour empêcher éventuellement qu'il y ait d'autres candidatures que ça suscite. C'est totalement une opération liée aux législatives. Pour terminer sur l'école, la question fondamentale, c'est pas tellement le nom du ministre, hein. C'est est-ce que, aujourd'hui, j'ai pas le droit trop d'en parler, mais moi j'habite dans un département, je vais dire comme ça, où quand des professeurs sont absents au collège, depuis la rentrée, parfois ils ne sont même pas remplacés, où on voit bien que les professeurs sont les plus mal payés. Votre sujet l'a juste évoqué avant nous. Pourquoi il y a cette crise du recrutement? Parce qu'on est arrivé à une situation où nos professeurs sont les plus mal payés de l'OCDE. Il faut créer des postes, et ça, c'est pas prévu. Alors, quelle que soit la qualité intellectuelle sur des sujets comme aujourd'hui le racisme qui existe dans la société, etc., ça fait pas la maille, pour parler clairement, du point de vue du changement de ce qu'est un des piliers de la République, l'école. Vous affrontez aussi cette semaine le ministère de l'Intérieur, parce qu'ils ont sorti une circulaire qui empêche finalement la NUP d'inscrire ses candidats aux législatives dans un mois en tant que NUP, mais plus avec leurs vieilles étiquettes. LFI, PS, ELV, vous croyez que c'est quoi? Que c'est une façon de polluer un petit peu le débat qui s'ouvre? Monsieur Graziani, je le dis, et à travers vous à tous les Français, attention, manœuvre, quelle est l'opération, quel est l'intérêt de tout ça? C'est qu'au soir du premier tour, une fois que les premiers résultats tombent, plutôt que de dire, je vais donner un chiffre, la nouvelle Union populaire est en tête autour de 29 ou 30%, on va dire... va être en tête peut-être le parti du gouvernement, qui lui serait à 20, et puis après notre chiffre de 29 ou 30, on va le décomposer en disant la France insoumise fait tant, nos amis écologistes font tant, nos amis socialistes... Vous comprenez la manœuvre, c'est qu'on va... Vous allez saisir le Conseil d'État? On est en train de le faire, un avocat, qui est d'ailleurs une équipe, et travaille là-dessus, ça va être fait, parce que il faut qu'il y ait de la visibilité, parce que de la dynamique de premier tour que nous allons créer, et nous sommes en tête dans tous les sondages que les Français l'entendent. On peut gagner, aujourd'hui les études d'opinion le disent. Par cette manœuvre, ils veulent en quelque sorte désamorcer la dynamique de premier tour. C'est petit, mais c'est à l'image de M. Darmanin, manifestement. Vous voyez la photo, là, qui est juste à côté de nous? Il manque pas quelqu'un, là, sur cette photo de famille, finalement? Politiquement, aucun. Politiquement, aucun, mais en termes de chef... est-ce qu'il ne manque pas Fabien Roussel? Il se passe quoi avec Fabien Roussel en ce moment? Il est représenté par des gens qui étaient son porte-parole, etc. Mais est-ce que le mariage se porte bien toutes les composantes de la NUP? Oui, tout à fait. D'ailleurs, mariage, et vous avez vu NUP, on pourrait dire que c'est la racine du mot nuptial. Et de ce point de vue-là, c'est pas mariage politique, parce qu'après tout, c'est d'abord un consentement sur un programme qui a été présenté. 640 propositions. J'en ai donné des axes principaux, j'y reviens pas. Mais, oui, et d'abord, je tiens à souligner qu'il y a 577 candidats, il y a 1500 candidats des différentes familles politiques qui se sont retirés pour que nous nous retrouvions pour la première fois dans l'histoire de la gauche, d'ailleurs. Chez Fabien Roussel, puisque il y a un candidat qui se revendique de la France insoumise, présente... Non, c'est pas vrai. Vrai. Factuellement, c'est pas vrai. Il n'est pas soutenu par nous. Éric Renaud, soutenu par la section locale de LFI. Non, mais ça n'est pas le cas. Partout, le message est clair. Nous... Il est conseiller départemental à LFI. Non, il n'est pas soutenu de toute manière par ce que nous faisons sur le plan national. Mais vous n'avez pas de levier pour dire à ces candidats, attention, ça n'est pas possible. Dans 577 endroits, tout se passe très bien. Il est possible qu'ici ou là, il y ait différentes difficultés de gens. Là, c'est représentatif et symbolique, c'est quand même chez Fabien Roussel. Gardien, ne dites pas, s'il vous plaît, pour la rigueur du débat... qu'il y aura un endroit où nous susciterions, où nous projetterions, etc. Je ne dis pas ça, je dis juste qu'il y a quand même certains qui prennent des libertés. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le militant dont vous parlez était un ancien aussi militant du Parti communiste, etc. Il y a des histoires entre eux, bon, je n'en mêle pas. Moi, je lance le message très clair, je souhaite que partout, il y ait des candidats uniques de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Tout ça pourquoi? Pour être majoritaire, et c'est possible à l'Assemblée nationale. Tout ça pourquoi? Pour changer la vie vraiment, pour faire en sorte que la précarité, la pauvreté qui est dans ce pays, qui monte, les inégalités soient corrigées, avec un Mélenchon Premier ministre. C'est ça le message. Et c'est pourquoi je disais, pour commencer, messieurs, dames, nouveaux ministres, ne déballez pas, n'ouvrez pas les valises. Dans un mois, une autre équipe arrive, qui elle fera du bien au pays. Rapidement, est-ce que vous remerciez Éric Piolle, le maire de Grenoble, d'avoir lancé le débat sur le burkini à la piscine, dans les piscines? Je vais dire clairement non, parce que je crois que les Français veulent qu'on parle salaire, ils veulent qu'on parle défense des services publics, ils veulent qu'on parle qualité de l'école, ils veulent qu'on parle écologie, ils veulent qu'on parle droit démocratique. Et quelles que soient les raisons qui amenaient ce débat, le fait que les médias ne cessent d'en parler sur un sujet quand même qui n'est pas fondamental, ça permet de donner à des gens des formes d'astuces pour un peu occuper l'espace. Bon, voilà, je trouve ça dommage. Je pense que les Français, ce qu'ils veulent, ils voient leur prix augmenter quand ils vont travailler le prix du carburant qui est trop cher et nous voulons le bloquer. Quand ils vont au supermarché, ça fait mal dans les caddies, si je puis me permettre. C'est ça dont il faut parler. Les médias ne cessent d'en parler, mais c'est quand même un maire écologiste qui décide de lancer ce débat en pleine campagne législative. Je vous ai dit, je crois que c'était pas le plus habile, mais c'est crétin, il y a autre chose, et comment dire, je reviens... De la même façon que M. Ndiaye a été accueilli, après dans ce pays, il y a un côté, on parle de tout et n'importe quoi, c'est un débat sur le règlement des piscines municipales de la ville, fallait-il le faire maintenant, fallait-il le faire plus tard, c'est autre chose. Moi je suis très attaché à la laïcité, la vraie laïcité, la loi de 1905, celle qui doit amener une séparation nette entre l'Église et l'État, pas de financement public des religions, ça c'est la laïcité. Après il y a des libertés publiques dans ce pays où nos concitoyens qui ont des convictions spirituelles doivent pouvoir dans la rue les manifester. Alors après il faut qu'on trouve un point d'équilibre, mais on voit bien comment J'espère que ceux qui m'écoutent comprennent. C'est-à-dire que l'accueil, par exemple, de M. Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale a amené des commentaires de dingue, comme ce débat d'ailleurs. L'extrême droite a tiré à boulet rouge. Oui, comme ce débat à Grenoble. Les gens sont devenus dingues. Mais j'espère que ceux qui haussent les épaules devant la caricature de l'accueil de M. Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale comprennent ce qu'on a vécu depuis 5 ans, parfois par les mêmes qui viennent de nommer M. Ndiaye. C'est-à-dire qu'on raconte tout et n'importe quoi. On est anti-flic, on est indigéniste, anti-républicain. J'ai vu que le pauvre Pape Ndiaye vient d'essuyer toutes ces insultes. Que pendant 5 ans avec mes amis, nous avons essuyé quelque part sa nomination, et vous avez compris qu'après... Et on va terminer là-dessus. Ouais, quelque part, c'est une victoire que nous avions raison pendant 5 ans, et que tous les cyniques qui ont utilisé les mêmes arguments comme M. Ndiaye, franchement, ont rabaissé la politique. Mais je répète, dans un mois, c'est une nouvelle équipe, terminé. Et on en parlera. Merci beaucoup, Merci Alexis Corbière. Merci à vous, Cyril Grazani. Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Ben, je vais vous reposer d'abord la même question. Parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas sans conséquence. C'est une évolution, c'est un progrès social, une femme à Matignon, Elisabeth Borne. Non, ce n'est pas un progrès social. C'est quelque chose qui marque une évolution positive de la société, à savoir que les femmes, souvent méprisées, souvent mal payées, souvent considérées culturellement comme n'étant pas en capacité d'exercer des responsabilités, fort heureusement, et ce n'est pas assez fort... Il y arrive un progrès social. Après, on verra la politique que mène Elisabeth Borne. Et vous savez, même si je souligne que ça, c'est l'aspect sur lequel on ne peut que se féliciter, que Madame Thatcher, par exemple, qui était Premier ministre en Grande-Bretagne, n'était pas vraiment la ministre du progrès social. Donc je ne m'arrête pas, parce que je suis féministe, je ne m'arrête pas au fait que je vais d'un seul coup oublier tout ce que va faire Madame Borne, parce que je la respecte pour ce qu'elle est. Je vais vous dire, avant d'être une femme, c'est une femme qui a des convictions, une femme politique. Elle n'est pas là parce qu'elle est femme. J'espère. Alors ce serait méprisant. Elle n'a pas été choisie uniquement en disant, bon, on sait pas trop ce qu'elle pense, je mets Madame Borne parce que c'est une femme. Elle a été choisie parce qu'elle incarne quelque chose. Elle a un beau passé de ministre, de directrice d'établissement. Et c'est, j'espère qu'on va en parler parce que moi, c'est là-dessus que je suis un de ses opposants. Elle a une compétence sur beaucoup de sujets, compétence qui lui est reconnue sur les sujets sociaux, économiques. Elle connaît l'entreprise, vous l'avez dit. Elle connaît l'État. Elle a été ministre des Transports, de l'Environnement, du Travail. Comme on dit depuis plusieurs jours, elle coche beaucoup de cases. Et hier, dans sa première prise de parole très brève, elle a dessiné sa feuille de route, égalité des chances, intérêt général, cohésion. C'est un bon signe. Non mais tout ça, pardon, c'est des mots, c'est de la communication, ça devient quasi indécent. C'est celle, quand dernièrement elle était en responsabilité, qui a fait en sorte que les chômeurs, je parle des chômeurs, elle a fait une réforme de l'assurance chômage où 1,3 million de chômeurs ont vu leur indemnité baisser de 17 à 20%. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pardon, vous êtes une journaliste, mais on va pas tous les deux céder à la communication. Il y a ce qu'elle dit, il y a ce qu'elle fait. Moi, je juge les gens sur ce qu'ils font. Elle est merveilleuse, mais vous dites à les entendre. Mais moi, je suis pas un macroniste. Je ne suis pas. On est à 3 semaines, 1 mois des élections. Ils nous la présentent comme étant cochant. Vous dites toutes les cases. Regardons de quelles cases on parle. Je dis que ce qu'il y a d'intéressant dans la nomination d'Anne Borne, c'est que c'est la pure continuité, mais quasi mécanique, presque caricaturale, avec ce qui a été fait ces 5 dernières années. Madame Borne a été ministre du Travail, ministre de l'Écologie. Parlons-en. En matière de travail, je viens de dire qu'elle a quand même trouvé, elle a eu le bon goût de considérer que les chômeurs étaient trop indemnisés dans ce pays. Ah bon? Dernièrement, elle s'est prononcée sur le fait que le RSA devait être conditionné au fait que des gens devaient travailler. Elle s'est fait connaître, je crois que vous en avez parlé avec mon prédécesseur, le secrétaire général de la CGT, sur le fait qu'elle a ouvert le capital de la SNCF, elle a déclenché par la brutalité, y compris dans la méthode qui est la sienne, la plus longue grève à la SNCF, alors, etc., etc., est-ce que je etc. peux, vous aussi, éventuellement, vous incitez à une forme de nuance. Le RSA, tel qu'il a été décrit, vous êtes un adversaire politique de cette réforme, si elle voit le jour. Elisabeth Borne défend souvent, par exemple, le dispositif « Un jeune, une solution », qui est d'accompagner un jeune, aujourd'hui sans formation, vers l'emploi. L'idée du RSA, c'est un petit peu la même chose. Ah bon ? Je rappelle la réforme de l'apprentissage. On peut fouiller cette idée, ce que vous êtes en train de dire ? Non, la réforme de... Je non, finis. Mais... Pardon. La réforme de l'apprentissage. Est-ce que vous reconnaissez que de ce point de vue-là, c'est une réussite ? Non. La baisse... Il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France. Mais l'apprentissage... Il n'y en a jamais eu autant. Moi, je suis professeur de lycée professionnel. Moi, j'aime bien la formation publique initiale. Il y a apprentissage et apprentissage. De quoi parlons-nous ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que 718 l'enseignement... 718 000 contrats d'apprentissage, plus 148% en 2017. Mais écoutez-moi, pour quand un jeune rentre sur le marché du travail, moi je suis professeur dans la vie, en lycée professionnel. On a affaibli les lycées professionnels, et souvent on développe l'apprentissage qui n'est pas toujours le meilleur cadre de formation pour les jeunes. D'accord ? Donc il faut rentrer dans le détail. Il n'y a pas à applaudir. C'est bien qu'un contrat d'apprentissage et un diplôme, c'est une bonne... voie pour trouver du travail. Non, je sais aussi que les CFA, par exemple, qui assurent l'apprentissage, amènent moins les jeunes au diplôme que l'enseignement, que la formation publique initiale et l'enseignement professionnel. Vous le savez, ça, mais, par exemple? Mais peut-être. Donc, c'est important. Mais tout le monde ne veut pas être dans la formation, comme vous dites, initiale. Je parle de l'enseignement professionnel. Oui, mais on peut avoir envie pour passer un bac professionnel, pour passer un BEP, par exemple. Il y a soit la formation publique initiale que je défends, l'enseignement professionnel, soit parfois les cadres de l'apprentissage qui n'est pas toujours le meilleur. Ça peut être formidable dans certains métiers, l'apprentissage. Mmh. Ce que je veux dire, c'est rentrons dans le détail. Mais je veux revenir sur ce que vous disiez, dans le développement. L'idée du RSA, que pour motiver les gens, pour chercher de l'emploi, il faudrait quand même les secouer un peu et les mettre au travail parce que finalement, ils sont trop, c'est cohérent avec ce que fait Madame Borne. L'assurance chômage, un peu trop élevé. Ça motive pas les chômeurs à chercher du boulot. Le RSA, un peu trop élevé. Faudrait quand même le conditionner au travail. Je n'aime pas cette idéologie, parce que c'est de la pure idéologie, qui consiste à dire s'il y a du chômage, c'est la faute aux chômeurs. S'il y a des gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est un peu leur faute, etc., etc. Oui. Alors que concrètement, après, reprenons la pelote, on est quand même face à quelqu'un qui, quand on lui dit, Madame Borne, faudrait augmenter le SMIC, qui s'est fait connaître dernièrement en disant, ah non! Les économistes nous disent qu'il ne faut pas le faire, ce qui est faux d'ailleurs, parce que nombre d'économistes, et leur grande majorité, considèrent que l'augmentation des salaires est bénéfique pour l'emploi. On a même aux États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis dernièrement, démontré que quand l'emploi augmente, ça fait du bien déjà à différentes caisses de solidarité, ça fait du bien à tout le monde, ça relance l'économie. Donc c'est quelqu'un qui est idéologiquement extrêmement structuré, que je respecte, parce qu'il faut saluer le fait que c'est une femme cohérente, hein, elle n'est pas là que femme. Donc, quand on vous dit qu'elle vient de la gauche... Elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui défend maintenant avec fougue Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, je vais utiliser l'expression un peu triole, c'est une techno. Enfin, je veux dire, elle a jamais été militante de la gauche. Je pense qu'elle n'a jamais diffusé un tract, ni collé une affiche de sa vie, ni fait quoi que ce soit. Elle était même pas adhérente. J'ai vu que c'était Marie-Lise Lebranchu. Elle n'a jamais été adhérente au Parti socialiste. Ancienne ministre socialiste. Quand vous composez des cabinets, vous prenez des techniciens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, là encore, communication. Dans l'histoire de la gauche, je connais pas une femme et un homme de ce pays qui se dit, Madame Borne est une femme de gauche. Elle n'a jamais rien fait. Vous l'avez jamais vue manifester. Ou alors qu'elle nous le dise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a peut-être été dans des cabinets. Mais enfin, pardon, j'applaudis pas le fait que quelqu'un qui est passé par un cabinet, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est marqué dans l'histoire de ce que moi, j'appelle la gauche. Le fait qu'elle ait travaillé avec des grandes figures de gauche, pour vous, ça n'a aucune valeur. Oui, elle a travaillé avec des gens de droite. Ça n'a aucune signification. Mais comme Emmanuel Macron, alors. Alors, Emmanuel Macron est un homme de gauche. C'est absurde. Ça détruit la pensée de réfléchir comme ça. Emmanuel Macron a été ministre de François Hollande. Alors, avec votre critère, Macron est un homme de gauche. Donc, hurrah, nous avons un président de gauche et je devrais arrêter ma critique. Arrêtez de m'embarquer en permanence, c'est pas mon critère. Non, je vous soumets des arguments. Elisabeth Martichoux, à travers vous. Non, pardon. À travers vous, ce que je veux dire, et je comprends, vous posez des questions, c'est qu'actuellement, ce que nous a dit Emmanuel Macron, c'est hippipi pourra, une femme, on doit applaudir, sinon, j'ai entendu M. Castaner dire, il nous a traité de machiste, c'est absurde. Quand on critique maintenant Mme Borne, on est traité de machiste. Deuxièmement, on nous dit, c'est une femme de gauche. Je gratte un peu le sujet en vous disant, finalement, pardon, elle ne l'est pas. Et ainsi de suite. Et puis je rentre dans le cœur des dossiers. Tweet d'Emmanuel, de Jean-Luc Mélenchon hier. Avant même sa nomination, il ne s'est pas économisé pour réagir, des tweets. Il est en campagne, on agit. Donc, elle sera-t-elle de droite ou bien de droite? Donc, c'est ce que vous venez de dire. Personne ne veut le job, écrivait-il. Pourquoi? Parce que c'est... En tout cas, lui, le veut, le job, oui. Mais... Parce que ce qu'il souligne, c'est qu'après 23 jours d'attente de quelqu'un qui devait incarner le changement, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il prend la personne qui est la pure continuité, sa ministre du Travail, pour faire quoi fondamentalement? La grande feuille de route de Mme Borne, la retraite à 65 ans. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Et je dis aux Françaises et aux Français, voilà, quel que soit ce que vous pensez, je dirais des uns à des autres, si vous trouvez qu'on est parfois sur tel aspect, vous n'êtes pas totalement d'accord avec nous, mais voulez-vous travailler jusqu'à repousser la retraite jusqu'à 65 ans? Voulez-vous détruire comme les conditions de vie de millions de gens qui ne servent à rien économiquement? C'est ce que veut faire Mme Borne, elle était ministre du Travail. Deuxièmement, sur le terrain de l'écologie, la France a été deux fois condamnée dernièrement pour inaction climatique et Mme Borne était la ministre de l'écologie. Donc sur les grands sujets... Vous ne croyez pas à ces promesses. Non mais c'est pas les promesses. Je ne crois pas les promesses, je juge sur les actes. Et sur les actes, Madame Borne est la pure continuité de ce qui a été fait précédemment et quelqu'un qui est brutal du point de vue des droits sociaux. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il veut débattre avec elle. Il aimerait bien que l'actuel Premier ministre, lui d'ailleurs, il y a un dessin, regardez à la une de l'opinion ce matin qui résume bien le positionnement, on va le voir, le positionnement de Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi ce... je ne sais pas si on le voit parce qu'on n'est pas... Il n'y a pas de zoom, mais il dit... C'est super d'assurer l'intérim. C'est de l'humour, y compris le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez compris qu'il y a une forme d'humour dans la controverse politique, évidemment. Alors, un mot. Il demande ce serait formidable. Emmanuel Macron avait jugé. Pour lui, oui. Non, pas seulement, mais Elisabeth Martichoux. Emmanuel Macron a débattu avec personne avant le premier tour. D'accord? Nous, on pense que quand même, la moindre des choses, c'est qu'on puisse débattre pour un peu que, justement, aller plus loin que les opérations de communication. Madame Borne, qui est une femme intelligente, je crois, s'honorerait en disant, allez-y. J'ai là quelqu'un qui se dit le premier opposant, j'ai là quelqu'un qui a fait une alliance avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, que les sondages donnent en tête d'ailleurs, parce qu'on est quand même à 3 semaines d'une élection, je débat avec lui. Elle ne va pas avoir peur, Un mot du maire de Grenoble qui a fait voter l'autorisation du port du burkini, il appelle ça un progrès social. Je ne sais pas si c'est un progrès social, non, mais c'est une décision du règlement municipal des piscines de Grenoble. Je crois que c'est avec vous qu'on avait eu la discussion. Pour moi, attaché à la loi de 1905, à la laïcité, la vraie laïcité. Écoutez, c'est pas un débat laïcité, c'est un débat qui concerne l'hygiène, comment on va à la piscine. Vous pouvez être favorable à la laïcité et après la manière dont les gens dans la rue circulent, ça concerne les libertés publiques. Je peux avoir un désaccord avec le fait que quelqu'un dans la rue se rase le crâne, s'habille, en gothique, porte une... Eh monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines pas la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise ni de boudoré. C'est ta balade, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. fumes pas, bah t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi c'est du velours. Le tabac, c'est le baume, la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, on me parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine, qui était une pocharde, a donné son âme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco, quoi. C'est mon vice à moi, le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire. La misère qui dure nuit et jour. Puis-je m'en fous, mais donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira, moins farouche dans la fumée qui sortira de ma bouche. Toutes les familles sont dans l'Union populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. Bien sûr, nous avons des différences sur un certain nombre de sujets. Et je mets en garde celles et ceux qui seraient tentés par la dissidence, parce qu'ils seront, malheureusement pour eux, balayés par ces candidatures qui vont incarner une espérance aux yeux de tout le monde. Nous souhaitons, tout au long de la mandature, tout au long de la législature, être ensemble. On est les Républicains, on ne peut pas être les Républicains et la majorité présidentielle. La délicate mise en place des candidatures communes de la NUPES, les macronistes qui s'allient à François Bayrou et Édouard Philippe, et les débauchages chez les Républicains. C'est le sommaire du numéro 35 d'Un Bourbon, sinon rien. Samedi, à Aubervilliers, Jean-Luc Mélenchon s'est employé à souligner le caractère exceptionnel de l'accord qui a conduit à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est la première fois depuis 25 ans, c'est-à-dire une génération, qu'un accord général intervient entre l'ensemble des forces de la gauche traditionnelle, des écologistes et évidemment des petits derniers insoumis. Mais depuis qu'il y a une gauche traditionnelle, socialiste et communiste, depuis qu'il y a des partis écologistes, depuis qu'il y a des insoumis, depuis le début de l'histoire, depuis toujours, c'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier tour, sur des candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions. Mais peut-on vraiment gommer toutes les divergences en quelques jours ? Sur les questions de programme, chacun y a mis du sien, ainsi Julien Bayou sur l'Europe. On nous avait dit aussi que l'Europe resterait un sujet de désaccord insurmontable. La fracture du référendum de 2005, elle était indépassable. On pouvait voter oui sans vouloir graver ses règles dans le marbre. Et on pouvait voter non sans vouloir l'effondrement de la construction européenne. Depuis bientôt 20 ans, on a vu ceux qui ont abîmé l'Europe. C'est ceux qui la gouvernent. Ils n'ont rien fait. Alors oui, nous disons, désobéissons pour sauver l'Europe. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a tenu à rappeler les frontières de l'accord, histoire de rassurer ses militants. Bien sûr, nous avons des différences sur un certain nombre de sujets, mais nous avons tous pris nos responsabilités et nous avons fait le choix de nous additionner dans le respect de ces différences et sans les effacer. Car nous aurons la possibilité, chacun, d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Et ces groupes voteront ensemble les mesures de progrès social, de justice sociale que nous avons décidées ensemble. Et ils pourront aussi faire vivre leurs propres propositions en toute autonomie et dans le respect de notre diversité. De son côté, Olivier Faure s'est employé à solder le passif. D'abord, la tentation Macron en 2017. Il y a 5 ans, à un moment, j'ai cru que nous pourrions faire un bout de chemin avec eux. Je n'ai pas de honte à le dire. J'ai pensé qu'Emmanuel Macron, qui était soi-disant un homme de gauche, pouvait être celui qui pouvait transformer la gauche. Je l'ai pensé. Pas longtemps, mais je l'ai pensé. Mais maintenant, comment pourrais-je encore y croire ? Comment pourrais-je croire que celui qui a été l'auteur de lois que je ne vais pas toutes citer, même si je vais y revenir, comment pourrais-je encore y penser ? Et donc, plutôt que d'avoir peur des insoumis, des écologistes, des communistes, des socialistes radicalisés, paraît-il, eh bien, je leur dis à toutes et tous, n'ayez peur de rien, faites-vous plaisir pour une fois, ne votez pas contre, mais votez pour, faites enfin ce que vous croyez ! Cette confession s'est transformée en catharsis lorsqu'il a évoqué les années Hollande. Alors je vais vous faire une confidence, ou plutôt vous rappeler quelque chose. La loi travail de 2016, baptisée El Khomri. Attendez. Aucun socialiste ne l'a jamais adoptée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a été imposée avec le 49-3. Parce qu'il n'y aurait pas eu de majorité pour l'adopter. C'est ça la réalité. Et donc, plutôt que de... Je le comprends. Plutôt que de dire aux socialistes, vous avez été des traîtres, allez plutôt les retrouver et dites-leur, on a compris. On a compris que vous pouviez aussi être avec nous là pour changer la vie. Et là, vous verrez, on va faire de grandes choses ensemble. À la sortie de la réunion, c'est un autre Olivier Faure que l'on découvrait. Un Olivier Faure qui venait de faire du passé. Table rase. C'est quand même mieux qu'une investiture avec uniquement des têtes couronnées de la République. Là, on était avec les gens qui ont envie de se battre et qui sont tout simplement, qui ont envie de donner d'eux-mêmes, qui ont envie de dire que la France peut changer. Et là, ça va être... Voilà. Moi, je me sens en tout cas très libéré par rapport à tout ça. On y va, on fonce et on gagne. Olivier Faure s'est sans doute libéré du hollandisme et des éléphants. Mais certains militants ne sont pas encore prêts à se sacrifier sur l'autel de l'Union. Pourtant, jeudi dernier, lors du Conseil national, qui a entériné l'accord entre la FI, le PS, Europe Écologie Les Verts et le PC, le premier secrétaire s'était montré très clair. Mais je comprends que certains soient tentés par la dissidence, parce que, évidemment, on a tous le sentiment que notre ancrage local permet parfois de faire des miracles et de compenser les effets nationaux. Mais la réalité, telle que nous la connaissons, c'est que l'élection législative est une élection qui a bien sûr un contenu local, mais qui a d'abord un contenu national. Et je mets en garde celles et ceux qui seraient tentés par la dissidence, parce qu'ils seront, malheureusement pour eux, balayés par ces candidatures qui vont incarner une espérance aux yeux de tout le monde. Force est de constater qu'Olivier Faure n'a pas été entendu. Ainsi, dans la 14e circonscription du Rhône, après le retrait du candidat FIT à Abouaf, la situation se tend entre la maire communiste de Vénissieux, Michel Picard, qui bride le siège, et un conseiller municipal socialiste, Lofti Ben Khalifa, qui entend lui aussi se porter candidat. De son côté, la France insoumise a désigné hier un nouveau candidat, Idir Boumerti, solidement implanté dans la circonscription. À Vaux-en-Velin, c'est un socialiste adjoint au maire qui s'apprête à se déclarer contre le candidat investi par la NUPES. La maire, Hélène Geoffroy, membre du Conseil national du PS, conduit la fronde contre l'accord avec la FI. Non loin de là, à Villeurbanne, c'est une socialiste dissidente qui s'apprête à barrer la route à l'insoumis Gabriel Amar. À Paris, dans la 15e circonscription, la socialiste Lamia El-Arrage, évincée au profit de Daniel Simonet de l'AFI, ne désarme pas. Elle a tenu une conférence de presse avec Lionel Jospin, sorti de sa réserve pour la circonstance. S'estimant victime d'une injustice, elle réclame un point de chute avec l'appui du PS. Dans la 10e circonscription du Val-d'Oise, le député sortant Aurélien Taché, élu en 2017 sous l'étiquette de La République En Marche et aujourd'hui investi par la NUPES, doit faire face à un candidat local de la gauche républicaine. Et puis il y a l'Occitanie. À Cahors, à Montpellier, fleurissent des candidatures dissidentes encouragées par la présidente de région, la socialiste Carole Delga. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le député socialiste sortant, David Habib, réélu depuis 2002, a vu l'investiture de la NUPES lui passer sous le nez. Il a décidé d'aller à la bataille, seul, affirmant ne pas craindre d'être exclu par son parti. Enfin, en Ardèche et en Dordogne, d'autres candidatures dissidentes devraient surgir d'ici le 20 mai, date butoir pour le dépôt des candidatures. Quoi qu'il en soit, aucun arrangement avec la France insoumise n'est envisageable. À Aubervilliers, Jean-Luc Mélenchon s'est montré catégorique. Toutes les familles sont dans l'Union populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. Pour l'heure, les candidatures dissidentes restent en nombre limité. Elles ne menacent qu'à la marge le résultat des candidats de la NUPES. Mais elles accaparent l'attention et, ce faisant, rendent service aux candidats de la majorité présidentielle et de la droite. Du côté de la majorité présidentielle, justement, ce sont aussi les grandes manœuvres. La République En Marche a ainsi changé de nom. Le parti du président s'appelle désormais Renaissance. Au sortir de la présidentielle, Emmanuel Macron rêvait d'un parti unique de la majorité. Il devra se contenter d'une confédération rassemblant Renaissance, le Modem de François Bayrou et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Ce regroupement, baptisé Ensemble, était présenté jeudi dernier. C'est donc la majorité présidentielle Ensemble qui a permis d'aboutir à un accord politique et électoral pour investir les candidates et les candidats aux élections législatives du prochain mois de juin. Mais plus encore, quand je disais accord politique, cela signifie que nous souhaitons, tout au long de la mandature, tout au long de la législature, être ensemble, liés, pour faire réussir le quinquennat, mais aussi pour aborder les élections intermédiaires qui se dérouleront. Chacune des formations aura donc son groupe à l'Assemblée. La garantie pour Édouard Philippe d'avoir les ressources financières pour faire vivre son parti et briller l'Élysée en 2027. Pour l'heure, 509 investitures ont été accordées. À l'arrivée, le Modem devrait obtenir de 101 à 110 circonscriptions. 58 sont déjà attribués à Horizon. Renaissance prendrait le reste, soit environ 400 candidats. Sur ces 509 investitures, 274 concernent des députés sortants. Le président de la République a donc choisi de jouer la sécurité plutôt que la nouveauté. Mardi, une journée de formation a réuni les candidats à Aubervilliers. Emmanuel Macron est venu conclure les travaux. Malheureusement, la réunion s'est tenue à huis clos. Côté prise de guerre, ça ne se bouscule pas au portillon. La majorité présidentielle a débauché trois LR. Marine Brognier, députée des Alpes-Maritimes, Robin Reda, député de l'Essonne, et Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine. Il est vrai que Christian Jacob a mis en garde ceux qui songeraient à se rallier à la Macronie. Il n'y a pas de double appartenance aux Républicains, donc on est les Républicains, on ne peut pas être les Républicains et la majorité présidentielle, on ne peut pas être les Républicains et le Front National, les Républicains et Reconquête ou les Républicains et les filles. Donc à partir du moment où on est majorité présidentielle, on n'est plus les Républicains. Reste le cas d'Amien Abad, le patron du groupe parlementaire LR. Emmanuel Macron lui avait proposé de devenir l'un de ses ministres sous le précédent quinquennat. Le pressenti avait décliné la proposition après beaucoup d'hésitations. Après l'échec de Xavier Bertrand à la primaire, après l'échec de Valérie Pécresse à la présidentielle, le député de l'Ain ne se fait plus d'illusions sur ses chances d'être reconduit à la tête du groupe parlementaire. Du coup, il pourrait se laisser tenter par un portefeuille de ministre dans le futur gouvernement. Un signe qui ne trompe pas. Dans la circonscription de Damien Abad, Renaissance n'a investi personne, pour l'instant. La balle est dans le camp du député sortant. Comme dit la chanson de Jean-Jacques Goldman, il suffira d'un signe. Si vous avez apprécié cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. N'oubliez pas, sans votre soutien financier, nous n'existons pas. Thank you. Clément Viktorovitch, vous revenez ce soir sur cette nouvelle union populaire écologique et sociale, NUPS, NUPES, l'Académie française n'a pas tranché encore, en tout cas c'est l'alliance des partis de gauche qui est visée, ciblée sous le feu des critiques, qu'elles viennent du Rassemblement national ou du camp présidentiel, stratégie très agressive, Clément, qui pourrait selon vous se révéler efficace. Et oui, feu à volonté contre la nouvelle union populaire. Depuis quelques jours, l'alliance de gauche est manifestement devenue l'ennemi à abattre pour ses adversaires, qui n'hésitent pas en effet à mobiliser les procédés rhétoriques les plus virulents. Alors commençons avec le Rassemblement national. Ce matin, Marine Le Pen était au micro de RTL et elle a fait preuve d'une certaine modération. J'ai vu une escroquerie politique se monter avec la NUPES. Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, si un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, c'est-à-dire avec les défenseurs des Black Blocs, les défenseurs du burkini à la piscine, ceux qui veulent désarmer la police, ceux qui veulent ouvrir les prisons, parce que la prison, c'est pas gentil, etc. Voilà, transformer l'Assemblée en ZAD. La NUPS serait une escroquerie politique. Bon, c'est une pure invective. Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Alors ça, c'est de la rhétorique de l'incantation. Marine Le Pen présente le futur comme déjà écrit dans l'espoir de démotiver les électeurs de gauche. L'Assemblée nationale transformée en ZAD, bah ça, c'est une métaphore dépréciative, une association élaborée pour être dégradante. Quant à la gauche qui voudrait ouvrir les prisons parce qu'elles ne sont pas gentilles, ça, c'est une stratégie de l'homme de paille, une exagération volontaire de la position adverse pour tenter de la ridiculiser. Voilà quelques-uns des procédés de disqualification mobilisés par Marine Le Pen. Ça, c'était les attaques les plus modérées. Alors oui, parce qu'au même moment, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, était sur BFM TV, et lui, il va un cran plus loin. Je pense qu'il est un agitateur, et en réalité, moi, cette alliance, elle me fait peur. Elle me fait peur. Pourquoi ? Parce que, sur le fond, c'est une ZAD de toutes les idéologies les plus dangereuses pour notre pays. C'est des zadistes, les mélancholistes ? Les communautaristes. Les islamo-gauchistes, je pense que ce que cherche au fond Jean-Luc Mélenchon, c'est la destruction de l'État. Monsieur Mélenchon, lui, veut transformer la France en un gigantesque squat et la livrer aux prédateurs d'en bas. Voilà, donc comme je le disais, c'est moins modéré. Alors, on retrouve la métaphore de la ZAD, agrémentée cette fois d'une autre analogie, mais tout aussi péjorative, la France transformée en squat. On a encore de la disqualification personnelle, Jean-Luc Mélenchon serait un agitateur. Mais surtout, on a une brochette de mots épouvantails, ces concepts flous, mal définis, voire même indéfinissables, qui associent l'adversaire à un imaginaire déprécié, le communautarisme et l'islamo-gauchisme. Et pour finir, cette phrase définitive, Jean-Luc Mélenchon souhaite la destruction de l'État. Alors, pourquoi pas, hein ? Mais sur quel fondement, sur quel argument, nous n'en saurons jamais rien. Et Clément, le Rassemblement National n'est pas le seul à avoir émis ses critiques. Non, en effet, l'entourage du président de la République concentre lui aussi depuis plusieurs jours ses attaques contre l'Union Populaire. Et pas seulement l'entourage d'ailleurs, le président lui-même. Hier, devant ses troupes, il a déclaré que les partis de gauche avaient choisi le communautarisme. Un mot qui peut surprendre. D'une part, il est presque toujours utilisé sans être défini. C'est très souvent un mot épouvantail. D'autre part, parce qu'il est littéralement issu du lexique du Rassemblement National, contre lequel Emmanuel Macron prétendait pourtant incarner une digue. Et enfin, parce que durant l'entre-deux-tours, les porte-paroles d'En Marche prétendaient avoir des valeurs en commun avec les électeurs insoumis. Il faut croire que les valeurs changent au gré des élections. Est-ce que ces attaques seront efficaces ? Eh bien oui, c'est possible. C'est possible parce qu'elles sont susceptibles d'activer deux principes psychologiques contradictoires, mais qui ne s'appliquent pas au même public. En ce qui concerne les militants et les sympathisants de l'Union Populaire, ces attaques ne feront probablement qu'une chose, renforcer leur détermination à défendre leurs opinions. C'est ce que l'on appelle le principe de réactance. Plus nous sentons une pression s'exercer sur nous, et plus nous avons tendance à résister pour conserver notre liberté. Mais les autres, tous les électeurs hésitants, ceux qui n'ont pas encore arrêté leur choix et sont donc peu susceptibles d'entrer en réactance, eh bien eux pourraient être touchés par ce que l'on appelle l'effet de simple exposition. C'est un principe élémentaire. Plus nous sommes exposés à une même idée, plus elle nous paraît crédible et plus nous avons de chances de l'accepter. Et c'est justement tout le problème des campagnes de dénigrement. Même si les accusations n'ont aucun fondement, à force d'être répétées, elles peuvent finir par nous paraître vraies. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, l'avait attirée vers elle. Mon cœur d'enfant, la branche d'un cerisier de son jardin caressait, la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage. Non, non, quand de lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour, les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Ah, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et maris, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc. Lors de l'invité de Paris Direct, et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Raphaël Pitty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes médecin urgentiste. Vous formez depuis une dizaine d'années maintenant des soignants en Syrie. Vous êtes allé une 30aine de fois, et encore il y a quelques semaines. C'est l'objet de notre entretien aujourd'hui. Alors que la Syrie vient de connaître une élection présidentielle joué d'avance, pour ne pas dire une mascarade, Bachar el-Assad a été réélu après 10 ans de guerre avec 95% des suffrages. Le scrutin ne se déroulait, faut-il le rappeler, que dans les zones contrôlées par le régime. 10 ans de guerre en Syrie, donc, on les a malheureusement commémorés au début du mois de mars dernier, 500 000 morts. Dans quel état avez-vous trouvé ce pays que vous connaissez bien? La dernière fois que vous y êtes allé, c'était au mois de mars, je crois. C'est ça. Écoutez, en 2014, déjà, la Commission européenne décrétait que la Syrie, c'était la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. 9 ans après, les choses n'ont fait que s'aggraver. Et là, on est dans une situation extrême, où plus de 80% de l'ensemble de la population, même celles qui sont contrôlées par le régime, vivent bien en dessous du seuil de pauvreté. Il y a une situation de crise économique qui est très profonde parce que la Syrie est impactée en même temps par la crise économique du Liban, avec un niveau d'inflation qui est énorme. On échange aujourd'hui 1 dollar contre 5000 livres dinars syriens. Et donc, il n'y a plus d'argent à l'intérieur de la Syrie et donc incapacité de s'approvisionner par rapport aux pays extérieurs. Et donc, on commence à manquer de médicaments. Bien entendu, la vie est très, très chère. Il n'y a pas 80% des structures économiques ont été détruites. Et donc, de ce fait, il n'y a pas de travail. Et donc, on est dans une situation qui est très alarmante. Il y a le Covid, bien évidemment, mais il y a une situation économique qui s'est complètement effondrée avec 10 millions de personnes, 6 millions qui sont à l'extérieur de la Syrie, 6 millions qui ne vivent plus chez elles, qui vivent dans des ruines, dans des camps, etc., qui sont complètement dépendants de l'aide humanitaire internationale. Et je dois dire, et puis il y a la pression des Russes qui en fait que sur les 4 corridors humanitaires, il n'en reste plus qu'un d'opérationnel encore aujourd'hui pour cette population. C'est tellement alarmant que nous pensons que dans les mois à venir, il y aura peut-être des famines en Syrie. C'est un risque réel. C'est un risque réel de famine. Et c'était tellement important que nous avons demandé à être reçus par la Commission européenne justement pour expliquer cette situation. On va y revenir concernant la structure, si on peut toujours l'appeler structure hospitalière, structure de soins. Énormément de soignants ont été tués pendant cette guerre, énormément de soignants ont quitté la Syrie. Oui. Comment fait-on concrètement aujourd'hui en Syrie pour se soigner ? Eh bien, on ne peut soigner que les urgences. On n'est pas capable de répondre à une médecine préventive, on n'est pas capable de répondre à une médecine de suivi des pathologies chroniques. Alors, vous évoquez les 500 000 morts en Syrie, c'est faux, il y a beaucoup plus de ça. Il y a tous les morts secondaires, justement, cet effondrement d'un système sanitaire. Ceux qui n'ont pas pu être soignés. Qui n'ont pas pu être soignés, qui ne sont pas suivis. On meurt de complications du diabète, on meurt de complications cardiovasculaires, on meurt de complications d'insuffisance rénale, on meurt de toutes ces pathologies-là. Et donc, on peut évaluer tous ces morts secondaires qui sont environ 1,5 million, 2 millions de personnes qui, durant ces 10 années, sont morts par faute de soins. Quelle forme d'aide arrive aujourd'hui et d'où ? Très, très difficile aujourd'hui. Bien évidemment, il y a une aide internationale, mais cette aide internationale passe par le régime de Damas, qui, bien entendu, utilise comme une arme politique dans les différentes zones qu'il contrôle. Alors, il y a, bien sûr, un certain niveau d'aide, mais c'est totalement dépendant de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge syrien, qui arrive à distribuer dans quelques zones, mais ça dépend, bien évidemment, des décisions politiques qui sont prises à Damas. Et il y a surtout... dans le nord et le nord-est, dans le nord-ouest et le nord-est, dans cette zone qui est encore contrôlée à la fois par les Kurdes d'un côté, par les rebelles de l'autre, eh bien, c'est l'aide internationale, c'est le transborder qui se fait à travers ce corridor humanitaire qui traverse la Turquie pour entrer en Syrie. Et il n'y a qu'un seul corridor humanitaire. Il y en avait quatre derniers temps. Et ce que vous dites, c'est que c'est la Russie qui les a fait fermer et qu'elle veut sans doute faire fermer l'année au nom d'une guerre qui, selon elle, serait finie. Exactement. Et le problème, selon vous, c'est que ça fait que l'aide doit passer par Damas, effectivement, et n'est pas redistribuée. Absolument, puisque de toute façon, cette délibération du Conseil de sécurité renouvelée tous les ans, et puis là, normalement, ce corridor humanitaire doit être renouvelé au mois de juillet. Il est certain que les Russes vont s'appuyer sur la victoire de Assad pour dire la guerre est terminée maintenant. Il n'y a plus de raison que l'aide humanitaire traverse la frontière turque pour entrer en Syrie. Tout doit passer par Damas. C'est à Damas de contrôler cela. Et bien évidemment, c'est vraiment vouloir affamer cette population que de faire ça. Ce serait terrible que de le faire. Ce que nous demandons, nous, au contraire, c'est l'ouverture des quatre corridors humanitaires, une aide humanitaire immédiate par rapport à cette population, mais cette population en général, parce qu'elle est dans une situation extrêmement difficile, et il faut qu'on se mobilise pour la réouverture de ces quatre corridors humanitaires. Vous avez rencontré, vous le disiez, il y a 10 jours, le commissaire européen chargé des crises, notamment avec, aux côtés de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Il dit de la Syrie qu'elle est là. Honte de l'Europe, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, et pas seulement que de l'Europe, du monde occidental en général. On est devant, depuis 10 ans, je n'entends que des condamnations, mais jamais d'actes qui suivent. Aujourd'hui, par exemple, on dit que c'est une mascarade, que ces élections. Alors, si c'est une mascarade, si c'est honteux, pourquoi il n'y a pas d'actes qui suivent ? Pourquoi il n'y a pas, à ce moment-là, de rendre compte que ce régime est illégitime, puisqu'il a été illégitimement élu ? Pourquoi est-ce qu'on ne bloque pas les institutions ? Et on voit encore qu'au niveau des Nations Unies, la Syrie vient d'être intégrée dans une des commissions. Pourquoi, justement, on ne bloque pas l'ensemble des représentations à l'extérieur de la Syrie, puisque ce gouvernement est illégitime ? Pourquoi on ne bloque pas les avoirs de la Syrie à l'extérieur, puisque ce gouvernement est illégitime ? Pourquoi il n'y a pas de décision ? Et pourquoi est-ce qu'on se contente simplement de condamner cette situation sans prendre véritablement les actes qu'il faudrait avoir ? Quels éléments de réponse avez-vous à ces questions ? La lâcheté. Je pense qu'on a terminé avec la Syrie. Pour les Occidentaux, c'est terminé. On veut passer à autre chose et on accepte cela. Et je suis persuadé que si Assad prend quelques directives vis-à-vis de sa population, etc., on considérera qu'il y a une ouverture politique et on va s'entendre avec lui et tout le monde va aller à Damas ouvrir ses ambassades. Qu'est-ce qui fait tenir les Syriens, à la fois les soignants que vous continuez à essayer d'aider comme vous pouvez et les Syriens Vous ouvrez les frontières sont totalement fermées, l'ensemble de la population syrienne fuit ce qui peut être considéré comme un camp de concentration. Ils sont enfermés à l'intérieur de ce pays. Et ils voudraient, et je suis même persuadé que ça touche même les populations à la vite. Elles n'ont rien gagné de la présence de Assad. Au contraire, beaucoup de souffrance. Il en est de même des autres minorité, que ce soit les chrétiens ou les druzes, toutes ces populations ont énormément souffert durant ces 10 années par la destruction de cet homme qui veut se maintenir au pouvoir par la force et par la violence, qui a détruit son pays à 80%, qui est dans un état de corruption énorme. Et donc il n'y a rien à gagner avec Assad et avec sa famille en particulier. Et donc je crois véritablement qu'il y a lieu que nous puissions faire une pression, parce qu'il faut pouvoir permettre à cette population syrienne de revivre dans la dignité et permettre à ceux qui le désirent de rentrer de nouveau dans leur pays pour le reconstruire. Qu'est-ce qui vous anime, vous, Raphaël Pitti? Il y a quelques mois, on se souvient de vos larmes, notamment sur un plateau de télévision, parce qu'il vous semblait que c'était insupportable de voir, disiez-vous, les valeurs de la France ainsi piétinées. Pourquoi est-ce que la Syrie est le combat de votre vie? Eh bien, écoutez, ça s'est fait comme ça, spontanément, il y a maintenant presque 10 ans. Je ne connaissais pas du tout la Syrie, mais c'est vrai que j'ai été profondément touché par un cri d'alarme qui était lancé par un de mes collègues franco-syrien par rapport à la situation des hôpitaux qui étaient bombardés en Syrie. Et j'ai toujours été dans une situation où j'ai participé à des situations de guerre, de crise, etc. Et apprendre que des médecins étaient tués parce qu'ils soignaient, que des hôpitaux étaient détruits parce qu'ils étaient dans les zones qui étaient entre les mains des rebelles, cela m'a profondément perturbé, suffisamment en tous les cas pour que je m'engage à côté de mes collègues syriens. Et je voudrais dire combien, s'il y a des héros dans cette guerre en Syrie, ce sont les soignants syriens qui ont un courage extraordinaire. Ces hôpitaux sont bombardés, donc ils prennent des risques chaque jour pour aller travailler dans ces hôpitaux. Et quand l'hôpital est détruit, ils ont le courage d'aller dans les décombres pour chercher le matériel qui peut être utilisé. Et on reconstruit encore un nouvel hôpital. Et donc, il m'est difficile maintenant de dire que je vais les abandonner. Je suis engagé avec eux. Et donc, en tant que soignant et puis en tant que médecin humanitaire, ma place est certainement à côté d'eux. Et vous pensez qu'un jour la Syrie se relèvera ? Je l'espère profondément, c'est une espérance en tous les cas, mais je ne m'intéresse pas tellement à l'avenir qu'au présent. Et aujourd'hui, le présent, c'est justement de témoigner, et je vous remercie de me laisser témoigner sur la situation en Syrie en particulier, pour cette population qui, depuis un an, les médias se sont tus en ne laissant mettre en avant que le Covid, mais le Covid tue beaucoup moins que ce qui se passe en Syrie. On essaie d'en parler très régulièrement sur cette antenne. Merci beaucoup, Raphaël Pitti. J'ai que des premières fois, c'est la première fois qu'on se lève pour moi, c'est la première fois que je recevais un prix, J'ai essayé d'écrire un texte parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à parler. Voilà. Seul, réduit à moi-même sous les feux de la rampe, condamné à la liberté. Je suis profondément ému, fier et bouleversé de conduire ce jury exceptionnel, empreint d'une gratitude profonde, d'avoir été choisi par Pierre Lescure et Thierry Prémaux, parmi tant d'autres non moins méritants, mais plus habitués à vivre dans la solitude du travail. Il serait sans doute logique, ou en tout cas humain, de laisser éclater ma joie d'être devant vous ce soir pour présider la 75e édition d'un festival hors norme, le plus grand festival de cinéma du monde, de célébrer l'événement et de jouir sans entrave de l'honneur qui m'est fait. Mais en ai-je le droit ? Ne devrait-on pas évoquer depuis cette tribune qui concentre pour un temps tous les regards du monde, les tourments d'une planète qui saigne, qui souffre, qui étouffe et qui brûle dans l'indifférence des pouvoirs. Oui, sans doute. Mais que dire sinon de neuf, ou au moins d'utile ? C'est une question à laquelle tous les artistes ont été, sont et seront confrontés. Doit-on user de sa notoriété, aussi modeste soit-elle, pour porter haut et fort la parole des sans-voix ? Ou au contraire, refuser d'exprimer publiquement une position dans des domaines où nous n'avons ni légitimité, ni compétence particulière. Je n'ai pas la réponse. Pour tenter de me mettre en règle avec un sort trop généreux, mal à l'aise dans le confort et les privilèges, même si bien trop humain pour y renoncer, j'ai souvent pris le risque de parler haut, parfois naïvement, pour dénoncer des douleurs ressenties par d'autres, mais qui, si elles épargnaient mes chairs, torturait ma conscience. Les seuls engagements incontestables d'un artiste, d'une ou d'un cinéaste notamment, sont sans nul doute les œuvres auxquelles ils prêtent leur concours. Simple acteur, je traverse des personnages qui portent d'autres noms que le mien, exercent d'autres métiers, des puissants parfois, des vaincus plus souvent, car ce sont eux qui m'émeuvent et m'inspirent pour essayer de toucher au cœur. C'est notre métier. Qu'il m'évalue plus d'honneur que je n'en mérite, j'en ai pleine conscience. Mais je sais que, comme tous ceux qui ont eu l'extraordinaire bonheur de pouvoir vivre de leur art dans une existence libre, nous sommes une composante infime d'un grand tout, essentiel, qui s'appelle la culture. Car la culture n'est pas une aimable excroissance, ni un futile ornement de la société. Elle n'est pas en marge. Elle en est le centre. Et elle en sera le vestige. Que resterait-il du règne de Joseph II sans Mozart, de Louis XIV sans Molière, Racine ou Corneille, de la papauté de Jules II sans Michel-Ange ? Leur place dans l'histoire, les nations et leurs dirigeants la doivent d'abord aux liens qu'ils ont su tisser avec des créateurs dont les œuvres subliment le génie humain. Le Festival international du film de Cannes prolonge cette tradition séculaire, née d'une volonté de lutte contre un fascisme qui avait dénaturé le cinéma européen, il n'a cessé d'accueillir, de protéger et de réunir les plus grands cinéastes de leur temps. Ouvert sur toutes les cultures, n'exigeant rien d'autre que l'exigence, ces sélections ont retenu des films dont l'ambition ne se limitait pas seulement à remplir les salles. C'est la fonction du Festival de Cannes, c'est sa gloire, c'est cette ligne inflexible, artistique et citoyenne qui rend nécessaire ce qui, sans cela, serait obscène. Projeter des images radieuses en surimpression de celles abominables qui nous parviennent d'une Ukraine héroïque et martyrisée. Ou bien encore, ensevelir sous la mélodie du bonheur les massacres silencieux qui s'abattent sur le Yémen ou le Darfour. Et enfin, pour conclure, une question. Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences ? Je ne l'imagine pas. Que la puissance évocatrice et la profondeur des œuvres des grands cinéastes n'influent pas sur la marche du monde, je ne l'imagine pas non plus. Même si cela revient à écoper avec un dé à coudre la coque d'un navire qui se remplit par vagues, notre force, c'est que nous y croyons. Et que vos œuvres sont immortelles. Même si parfois, quand l'actualité nous écrase et que le découragement me gagne, Je me demande si nous sommes pas en train de danser sur le Titanic. Peut-être alors, si nous prêtions l'oreille, entendrions-nous au milieu du vacarme des empires et des nations, comme un tendre et faible bruissement d'ailes, le doux murmure de la vie et de l'espoir. Voici venu le temps des artistes, des cinéastes responsables, pour nous porter, pour nourrir notre imaginaire et nous aider à nous répéter en nous-mêmes chaque fois que nous le pourrons, en hommage à tous ceux qui souffrent et qui se battent dans le monde, être vivant et le savoir. Michel Lallier n'a jamais quitté Chinon. Il a été aux premières loges pour observer les progrès technologiques, mais aussi les transformations du travail dans le nucléaire. Au début des années 90, il a vu la sous-traitance exploser.

Et y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi. Faut arrêter avec ces trucs-là. Aller faire un trou dans l'Arctique pour trouver du pétrole non conventionnel, c'est mauvais. La ministre ne le savait pas. Non mais t'es naïf ou t'es bête ? C'est que t'es bête. Notre économie, elle repose à 80% sur des énergies fossiles. Du charbon, du gaz, du pétrole. Si tu débats pendant un an et demi de l'exploitation des gaz de schiste et du pétrole avec des entreprises comme Total qui veulent le faire, des ministres qui le soutiennent, des députés, vous savez, on a encore besoin du carburant. Puis vous savez, le gaz, c'est l'ami de la transition. On passe toujours à côté en disant non, il faut un meilleur indicateur parce que les gens, ils savent pas. Ah bah non, il faut les former parce que les gens, ils savent pas. En fait, tout le monde sait. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porché. Je suis ravie de vous retrouver et on ne change pas, une équipe qui gagne. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter avec tous ces discours qui gravitent autour de nous. Et vous commencez à avoir l'habitude de me l'entendre dire. Et notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, cette épreuve du bac aux énoncés libéraux, la tribune d'écologistes qui demande au ministre de se former à la transition écologique et le SMIC de Mélenchon qui passe de 1004 à 1500 euros net. À l'aide d'un exemple, vous montrerez que l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale peut produire des effets pervers. Le prochain sondage du Figaro, l'épreuve d'entrée à La République en marche. Non, c'est bien une question de l'épreuve du bac de sciences économiques et sociales des terminales de jeudi dernier. Je vous lis les autres questions. À l'aide de deux arguments, montrez que le travail est source d'intégration sociale. À partir d'un exemple, vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Qu'est-ce qu'on aurait répondu à 17 ans ? Nous, on va faire l'épreuve du bac version Thomas Porcher. Alors, le sujet général, c'était de montrer que l'approche en termes de classe sociale pour rendre compte de la société française peut être remise en cause. Toi, qu'est-ce que t'en penses là de tout ça ? Déjà, il faut rappeler qu'en économie, au départ, au XVIIIe siècle, l'approche économique se faisait sous forme de classe sociale. Adam Smith, il avait déterminé trois classes, la classe des capitalistes, la classe des rentiers, la classe des travailleurs. Et il avait dit que comme le profit était le moteur de l'économie capitaliste, la classe la plus importante était la classe des capitalistes. Et donc, pour que le profit soit fort, la classe des capitalistes devait baisser les salaires. Parce que quand on baisse les salaires, on baisse le coût, et donc on augmente le profit. Et donc, il y avait un antagonisme très fort entre des classes sociales dans l'économie de Smith, qui disaient en fait que voilà, il va falloir que le capitaliste négocie des revenus plus faibles. Mais qu'au final, ce que disait Smith, les ouvriers, même avec des revenus plus faibles, dans une économie capitaliste, bah, même l'ouvrier le plus pauvre anglais sera plus riche qu'un prince indien. C'est ce que disait Smith. Donc lui, il faisait une approche sous classe sociale. Et en fait, Marx, qui est arrivé, qui a fait une critique très forte du capitalisme, lui a repris cette approche sous classe sociale en montrant cette opposition et en montrant qu'une classe, la classe des capitalistes, exploitait la classe des travailleurs, notamment en la faisant travailler plus longtemps qu'elle ne la payait. Et lui, il expliquait, Marx, que le profit venait vraiment de l'exploitation de ces travailleurs en les payant un certain nombre d'heures, mais en les faisant travailler plus. On ne leur donne pas le choix. C'est comme ils n'ont pas de capital, ils vont travailler plus longtemps. Et après, comme la théorie de Marx avait énormément de succès auprès notamment des classes de travailleurs, vous avez une autre théorie qui est arrivée, la théorie des néoclassiques, les nouveaux classiques, qui ont tenté, et c'est la théorie qui est très en vogue aujourd'hui, qui ont tenté de casser cette opposition de classe en mettant l'individu au centre de l'économie. Et en disant par exemple qu'un individu, bah, s'il ne réussit pas, c'est un peu de sa faute. Pourquoi c'est de sa faute ? Parce qu'il n'a pas investi suffisamment dans son capital humain, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait des longues études, il n'a pas fait des bons choix stratégiques, il n'a pas maximisé, il n'a pas optimisé en fait son capital. Et donc maintenant, on nous dit grosso modo que finalement si tu rates, c'est de ta faute, et puis si tu réussis, c'est également de ta faute. Et c'est un peu ce que nous dit ce sujet-là. Sauf que les faits vont en contradiction parfaite avec ce que dit ce sujet. Quand vous regardez les jeunes qui arrêtent l'école le plus tôt, c'est-à-dire à 17 ans en moyenne, ben, ce sont tous des enfants de classe populaire, ouvriers majoritairement. Ceux qui font des études jusqu'à 26 ans, ce sont tous des enfants de classe aisée, de bac plus 5, de cadre, voyez. Donc en réalité, le dicton tel père, tel fils, il existe encore aujourd'hui, ce qui prouve qu'il y a des classes sociales. Et je vais même plus loin, même sur les relations amoureuses. On se rend compte aujourd'hui que qui se ressemble s'assemble, un autre dicton, c'est-à-dire que c'est des gens de même classe qui vivent entre eux et qui se marient entre eux. Donc dire qu'il n'y a plus d'approche de classe sociale, C'est en fait une fable. En réalité, non, non, il y a encore aujourd'hui des gens qui sont pauvres, qui cumulent tous les avantages dans leur parcours scolaire, dans les revenus qu'ils auront et qui se marieront entre eux. Et à l'autre bout, vous avez des gens très riches qui vont avoir un cumul de diplômes. C'est ça en plus ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas une grande école, ils ont deux, trois grandes écoles parce qu'il y a des passerelles entre les grandes écoles qui vont faire des hautes études, qui vont faire partie des revenus et qui vont se marier entre eux. Donc l'approche par classe sociale est parfaitement encore légitime et les chiffres le prouvent. Et la deuxième question de ce fameux bac, sur l'innovation pour aider à reculer les limites écologiques de la croissance, qu'est-ce que t'en dis ? Pareil, aujourd'hui l'innovation c'est devenu un peu la martingale qui va nous sauver de tout. Mais quand on regarde les chiffres, encore une fois, vous regardez les chiffres depuis l'ère pré-industrielle, 1850, les chiffres dont on dispose sur l'évolution du PIB, donc de la croissance économique, de la croissance de ce PIB, et l'évolution des émissions de CO2, c'est parfaitement corrélé au niveau mondial. Alors il y a cette fable qu'on nous a dit que nous, les pays riches, à partir des années 2000, on a vu notre croissance augmenter, nos émissions de CO2 diminuer. Et donc ce serait grâce à la société de l'innovation, parce que derrière l'innovation, il y a progressisme, etc., des pays riches. En réalité, c'est faux. Qu'est-ce qui a fait que notre PIB a continué à augmenter, nos émissions ont diminué à partir des années 2000? C'est que notre société s'est tertiarisée. On ne va plus dans les services qui consomment moins d'énergie que l'industrie. Et nos industries ont été délocalisées dans des pays émergents. Donc finalement, dans les pays émergents, les émissions de CO2 ont explosé. C'est pour ça qu'on montre beaucoup du doigt la Chine. Mais la Chine, il ne faut jamais oublier que c'est l'atelier du monde. Toutes les grandes multinationales européennes et américaines sont installées pour produire en Chine des biens que nous allons consommer chez nous. Vous voyez ? Donc en réalité, quand on prend tout, les émissions consommées, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup changé chez nous et ça n'a pas beaucoup changé également dans les pays pauvres. Donc la réalité des faits, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, hein, l'innovation n'a pas permis de régler le dérèglement climatique et de trouver des solutions à la question écologique. Et même dans les dernières innovations, on nous a fait croire que ça allait être la grande révolution en termes de transition écologique, c'est-à-dire le numérique, on se rend compte que le numérique aujourd'hui pollue beaucoup. Ce qu'on nous a dit à l'époque, moi je me souviens quand c'est arrivé le numérique, que c'était quasiment neutre en carbone, qu'il n'y avait aucun impact écologique, que vous allez pouvoir bientôt télécommander votre machine à laver pour la faire tourner à une heure qui ne soit pas une heure de pointe, et donc ça allait permettre de mieux consommer l'énergie. Mais sauf qu'on sait aujourd'hui que chaque mail que l'on envoie, chaque application que l'on a, chaque like que l'on fait, chaque post que l'on met sur Instagram a un impact écologique énorme, énorme en réalité. Vous voyez, pour quelque chose finalement, dans la plupart des cas, futile. Parce qu'il y a des fils, il y a des chambres de refroidissement, il y a plein de choses. Enfin, il y a tout un tas d'éléments en fait concrets dans le réel. Et c'est loin d'être une société dématérialisée comme on nous l'a dit. Donc moi, je vois pas d'innovation qui nous ont permis de baisser jusqu'à aujourd'hui hein, les émissions de CO2. Alors c'est très simple de se dire oui, l'innovation nous sauvera. C'est une façon de ne rien faire. Non mais c'est vrai. C'est une façon de dire bon ben on va faire aucun effort puisque l'innovation nous sauvera. Mais c'est un pari sur l'avenir et jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune raison d'espérer là-dessus puisque les émissions de CO2 ont continué à augmenter. Et chaque année, elles augmentent plus vite et chaque année, on dépasse des limites qu'on n'avait pas fait les années précédentes. Donc non, l'innovation, moi je pense qu'il faut faire attention de comme on utilise ce vocabulaire parce que c'est un vocabulaire surtout pour dire qu'il ne faut rien faire. Donc l'innovation ne nous sauvera probablement pas. En tous les cas, on n'a aucune preuve qu'elle nous sauvera. Et enfin, la dernière question, et pas des moindres, je le disais en intro, ces jeunes devaient montrer l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale qui peut produire des effets pervers. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est l'essentiel des effets de l'action publique ? On peut toujours trouver un élément qui soit un effet pervers. Il y en a beaucoup, bien sûr. Mais après, il faut regarder les choses dans leur globalité. Le modèle social français est un modèle très redistributif. C'est ce qui nous a permis de maîtriser un peu nos inégalités. Je dis maîtriser, enfin c'est un mauvais terme même, parce que les inégalités ont explosé dans beaucoup de pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Chez nous, elles ont moins vite progressé, mais elles ont quand même progressé. Parce que ça fait 30 ans qu'on est dans une dynamique de casse du modèle social, hein, quoi qu'on en dise, mais c'est à peu près là-dedans qu'on est. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait ? Les enfants, par exemple, vivant dans des familles pauvres. Les enfants vivant dans des familles pauvres, donc dans des familles avec 80% du revenu médian, ils sont à 24% avant redistribution. Donc il y a 24% d'enfants qui vivent dans des familles pauvres avant redistribution. Après redistribution, donc après le passage du modèle social, on passe à 7,9%. Donc là, on a vraiment un effet du modèle social. Le taux d'enfants pauvres passe de 24% avant redistribution à 7,9% après redistribution. Donc là, on a un effet vraiment de réduction des inégalités. Vous regardez dans les pays de l'OCDE. Dans les pays de l'OCDE, si on avait la même redistribution qu'il y a 30 ans, eh ben on aurait 40% d'inégalités en moins. Donc là, on a des effets concrets de ce qu'est la redistribution du modèle social sur les inégalités. Donc trouver un exemple comme ça pour décrier le modèle social, parce que c'est ça en fait derrière cette question qui est dit, c'est parfaitement faux. Et les faits le montrent, encore une fois, le modèle social réduit les inégalités. Et partout où on a cassé le modèle social, les inégalités ont augmenté. Sous le quinquennat Macron, elles ont augmenté par exemple. Ministre, formez-vous à la transition écologique. C'est la demande de Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, et 16 autres personnalités, dont Cyril Dion ou Camille Etienne, par exemple, dans une tribune publiée la semaine dernière dans le JDD. Nous refusons de croire que l'insuffisance du précédent quinquennat en la matière relevait d'un manque de courage ou pire, de conviction. Ces ministres auront une grande diversité de parcours, de formations académiques et de compétences et ne seront pas tous naturellement experts en la matière. Nous n'attendons pas que ce nouveau gouvernement soit prêt en arrivant. Ce serait malhonnête intellectuellement. Ce que nous attendons, c'est que vous soyez prêts à vous former. Il ne s'agit pas simplement de vous informer. Nous savons que vous avez le meilleur accès à la donnée, mais d'ouvrir un espace de dialogue, d'influence pour développer les consciences. Nous attendons de vous que vous participiez à une formation exigeante en 20 heures, en présence, sans délégation, et en suivant la méthodologie des institutions compétentes, abordant la question climatique sous tous ses angles, ne se limitant pas aux enjeux énergétiques. La formation est l'essence de la transformation. Savoir, c'est pouvoir. Sans vous, nous ne pouvons pas réussir la transition écologique. Fin de citation. Thomas, que penses-tu de cette tribune ? La solution au réchauffement climatique est-elle dans la formation des ministres ? Je trouve, alors il y a beaucoup de gens que je connais qui ont signé cette tribune et que j'apprécie par ailleurs, mais je trouve cette approche extrêmement naïve. Parce que là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire en fait ? Que les gens voudraient bien faire. C'est-à-dire les ministres, ils voudraient bien faire. Puis là, on peut rajouter les industriels, puis peut-être les lobbies. Ils voudraient bien faire, mais ils ne savent pas. Donc il faut les former. Une formation de 20 heures avec, je sais pas, un représentant du GIEC, de l'ADEME ou je ne sais pas quoi, ou du réseau Action Climat, qui viendrait leur expliquer que, oulala, ce qu'ils font, c'est mauvais. Enfin, aller faire un trou dans l'Arctique pour trouver du pétrole non conventionnel, c'est mauvais. Ils ne le savaient pas. La ministre ne le savait pas. Non, mais c'est ça, non, mais c'est un peu ça qu'on nous dit, là. Enfin, faut arrêter avec ce truc de les gens sont gentils, mais ils sont naïfs, ils ne savent pas. Qu'on enseigne la question de l'impact de nos activités sur le réchauffement climatique à des terminales. Moi, je suis d'accord. Enfin, quand on voit le sujet du bac de terminal, on en est loin. Parce que là, on essaie de leur dire qu'il faut qu'ils fassent rien et que c'est l'innovation qui les sauvera. Mais aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de chiffres et de statistiques sur le climat. On n'en a jamais eu autant. Si tu sais lire, tu regardes, tu vois qu'il y a un impact, il y a quelque chose qui cloche. Notre économie, elle repose à 80% sur des énergies fossiles. Du charbon, du gaz, du pétrole. Si tu débats pendant un an et demi de l'exploitation des gaz de schiste et du pétrole avec des entreprises comme Total qui veulent le faire, des ministres qui le soutiennent, des députés. Enfin, t'es naïf ou t'es bête ? Non mais t'es naïf ou t'es bête ? C'est que t'es bête. Voilà, c'est tout. Ou t'es malhonnête. Voilà. Donc la réalité, c'est ça. Il faut arrêter avec ces trucs-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'on a des ministres qui pensent à leur carrière politique, qui est une carrière de court terme, plutôt qu'à l'intérêt général. Et ça, c'est un fait, hein. Je veux dire, les mecs qui sont prêts à se passer d'Europe Écologie Les Verts à Macron, à gober toutes les couleuvres pour être dans un ministère, et ça c'est un fait, il y a des lobbies qui eux pensent au profit de leur entreprise, et la transition écologique va nécessiter un certain nombre d'adaptations pour ces entreprises-là, et elles ne veulent pas. Je veux dire, même pour des entreprises pétrolières qui ont fait des milliards de bénéfices encore cette année-là, eh ben, elles nous disent avec leurs milliards de bénéfices, on n'a pas suffisamment d'argent pour s'adapter. Par contre, on va demander à un mec qui gagne 1000 euros de payer plus cher son essence, et lui, il doit s'adapter. Donc là, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Des gens qui dégagent des milliards, qui pourraient réinvestir pour changer, même eux, ils veulent pas parce qu'ils ont des lobbies qui leur expliquent que, bah, vous savez, on a encore besoin du carburant, puis vous savez, le gaz, c'est l'ami de la transition, et puis vous savez, si on commence à faire ça, on doit fermer des raffineries. Voilà, tout ce chantage qui existe depuis longtemps. Donc, moi, je comprends pas. Enfin, je veux dire, par exemple, quelqu'un comme Cyril Dion, il devrait être conscient, ou Priscilla Ludowski, il devrait être... Les autres, bon, je ne vais pas parler d'eux, mais ils devraient être conscients quand même que ce n'est pas une question de naïveté et qu'ils voient très bien que derrière, il y a le fait de passer la question climatique en second, troisième ou quatrième plan derrière sa carrière politique ou derrière des profits court terme, c'est tout. Ce n'est pas une question d'information aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de chiffres et l'information, elle est à portée de main pour celui qui veut. Donc les gens, ils savent et grâce, en fait, on le voit bien dans les questions du bac, à tout un tas d'intellectuels, d'experts qui leur expliquent « Mais non, mais t'inquiète, faut rien changer, l'innovation, si tu changes, ça va faire mal. » Eh ben, ils ne prennent pas de risques et ça les arrange bien. Mmh. Voilà. Justement, pour aller voir les ficelles un peu de ce qui se passe dans le gouvernement, dans les conseils, il y a des chercheurs, économistes, etc., qui avancent qu'il faudrait changer les indicateurs utilisés en économie aujourd'hui, comme le PIB. Alors, pour bien expliquer, pour ceux qui ne savent pas, et notre volonté, c'est d'être vraiment pédagogue, c'est que le PIB, c'est le produit intérieur brut. Donc, en fait, ça quantifie la richesse produite dans le pays. Et les indicateurs, en fait, ça rend compte, du coup, de l'état d'un pays. Et ces résultats vont ensuite influencer directement les politiques mises en œuvre. Donc, il y a une volonté de changer ces indicateurs pour mieux rendre compte de l'impact du réchauffement climatique, car ce réchauffement, il coûte en tout point, et le PIB ne mesure pas ça. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition? Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, avec tes mots à toi, ce que c'est tout ça? C'est vrai, là, tu l'as bien rappelé, le PIB, c'est un indicateur qui mesure la création de richesse sur une année, et qui ne prend pas en compte l'impact écologique, l'impact sur la pollution, l'impact sur le climat. On est tous d'accord là-dessus. Ce qui est quand même une faiblesse, puisque le PIB, la croissance économique, c'est quand même aujourd'hui la boussole de l'économie, et c'est des chiffres que mettent en avant les politiques quand ils ont un bon bilan. J'ai eu tant de croissance, j'ai tant de PIB, etc. Et donc il faudrait peut-être y ajouter un chiffre supplémentaire, comme tu dis, qui est l'impact carbone de ce PIB. On est tous d'accord. Mais pareil, penser que si demain on a un chiffre avec l'impact carbone, ça suffirait pour changer les choses, je pense que ça relève de la même naïveté que notre première question. Je t'explique pourquoi. Tous les matins, vous avez des taux de pollution sur Paris. Enfin, c'est très rare qu'ils soient bons. Aujourd'hui, ils sont moyens. Parfois, ils sont mauvais. Et vous les avez tous les matins, vous allumez la télé, ils vous les aient. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que quelqu'un va dire « Ah, attends, je ne prends pas ma voiture » Est-ce que très peu de choses changent? Les gens acceptent cet état de fait, tu vois. On a les chiffres du GIEC tous les ans. On nous dit qu'il faudra 3 ans pour que les émissions de CO2 baissent. Ben, on a les chiffres. Est-ce qu'on change? Non. Je veux dire, moi, je défends ça un petit peu. Mais là où je trouve que c'est naïf, c'est que sur le PIB, on a un grand économiste, il y a quand même un certain nombre d'années maintenant, qui s'appelait Stern, à la London School of Economics, qui a montré avec le PIB, donc avec la mesure phare des dirigeants, quel serait l'impact des efforts et l'impact des non-efforts. Il a montré que si on ne fait pas d'efforts, l'impact en termes de PIB serait beaucoup plus important que si on fait des efforts aujourd'hui. Donc il a utilisé la mesure phare de tout le monde, le PIB, pour montrer qu'il fallait faire des efforts et qu'économiquement parlant, c'était mieux de faire des efforts. La perte serait moins importante aujourd'hui que plus tard. Ça a amené à quoi? Rien. Donc on pourra avoir les meilleurs indicateurs du monde. Si les gens ne veulent pas que ça change, ça ne changera pas. Voilà. Et je veux dire encore une fois, ce n'est pas nous. Parce que nous, on peut adapter nos comportements. Mais c'est surtout, à un moment, nos dirigeants politiques qui s'attaquent au mode de production et de consommation de l'industrie. Et ça nécessite un fait de courage politique et une confrontation. Parce que les gens, quand vous faites des profits énormes, comme les compagnies pétrolières ou les compagnies de vêtements en produisant à l'autre bout du monde et avec un impact carbone énorme, ou de l'agroalimentaire, ainsi de suite, quel intérêt vous avez à changer? Il faut une confrontation très forte. Et normalement, c'est les politiques qui doivent le faire. C'est même pas... Enfin, nous, on doit mettre la pression pour que les politiques le fassent. Mais nous, à notre moindre échelle, on peut faire un certain nombre de choses. Mais c'est des choses qui sont quand même très minimes. Parce que vous regardez dans la réalité des faits, vous avez une journée de travail, vous travaillez, vous allez chercher votre enfant, vous faites attention un petit peu le soir à ce que vous mangez, etc., à la manière dont vous allez consommer. Mais vous êtes pris dans une vie qui fait que vous avez très peu de marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises essayent de tout faire miser sur le consommateur. Vous pouvez être aujourd'hui une marque de soda avec du sucre, mettre des pubs partout et dire en même temps, oui, faites du sport, consommez 5 fruits et légumes. Vous pouvez être une marque de vêtements et dire « achetez moins de vêtements » et mettre une publicité et dire « achetez moins de vêtements » tellement vous avez une puissance de frappe. Donc ils savent très bien même eux que la transition par le consommateur n'aura pas lieu et qu'elle doit avoir lieu par les pouvoirs publics qui leur imposent des choses. Or là, on voit bien qu'on passe toujours à côté en disant « non, il faut un meilleur indicateur parce que les gens ils savent pas. » Ah ben non, il faut les former parce que les gens ils savent pas. Alors, en fait, tout le monde sait. Il faut arrêter d'être idiot. Et maintenant, il faut aller au cœur du problème. C'est tout. Parce que, par exemple, pour être très pédagogue, quand on calcule la production d'une richesse qui ensuite va calculer le PIB, par exemple, on vend un produit avec une entreprise, on enlève les charges patronales, les employés qu'on paye, on enlève les produits qu'on a achetés pour produire le produit, et ça donne la création de richesse. Le gros élément manquant dans ce calcul de la richesse, c'est justement le coût écologique. Est-ce que tu penses que même si on rajoute ce coût écologique dans cette formule de calcul de production de richesse, ça ne changera pas pour toi les choses? Bien sûr que d'avoir des indicateurs qui représentent mieux la situation, c'est toujours une avancée. Mais il ne faut pas être dupe là-dessus. C'est-à-dire qu'on a déjà des multitudes de calculs qui ont été faits, des multitudes de statistiques, des multitudes de prévisions, des multitudes d'organismes qui ont tiré la sonnette d'alarme, et rien n'a changé. Je veux dire, vous pouvez avoir dans la même année une ancienne présidente du MEDEF qui dit « Ouh là là, le climat, c'est important », et qui, deux mois après, va dire « Il faut exploiter des gaz de schiste ». Et qui a été quand même, Madame Parisot, qui a été quand même celle qui a porté le plus le flambeau des gaz de schiste en France, qui est un des gaz non conventionnels les plus polluants. D'accord ? Le gaz et pétrole schiste, c'est très polluant. Donc voilà, on peut être un pays comme le Canada avec Trudeau, on disait « Canada is back », le climat, et produire des sables bitumineux, qui est le pétrole le plus polluant. Donc je pense que les indicateurs, c'est une mesure qu'il faudrait améliorer, on est tous d'accord. Mais de là à penser que c'est le cœur du problème, et que c'est parce qu'on a des mauvais indicateurs que les gens font mal les choses, je n'y crois pas. Ça relève de la naïveté. Justement, tu y as un peu répondu, mais aujourd'hui, on se demande pourquoi et qu'est-ce qui bloque, pourquoi c'est si lent, pourquoi les États ne mettent pas en place une réelle transition écologique avec tout ce qu'ils ont comme à portée de main. Parce que déjà, il y a beaucoup d'économistes qui sont partis du principe qu'il fallait corriger les effets négatifs du marché. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement de l'économie qui dépendrait d'un marché, hein, même si personne ne l'a jamais vu le marché, mais bon, ça dépend d'un marché. Derrière ce marché, on sait qu'il y a des lobbies hein, qui influencent l'offre et la demande. Mais bon, bref. Il y a un marché qui fonctionne pas mal, qui crée des externalités négatives, de la pollution, et donc il faudrait créer un autre marché, le marché du carbone, pour corriger ce premier marché. Alors, on a déjà testé ça en Europe, ça a été un véritable échec, hein, le prix du carbone devait monter à 100, il est descendu à 5, donc en fait il a juste été une perte de temps qui a permis aux entreprises de ne pas changer leur mode de production. Donc on a essayé de créer des choses comme ça. Et puis après, il y a toute la martingale dont on a parlé, toute la fable des innovations qui nous sauveraient. Et donc il faut laisser faire les entreprises qui vont trouver d'elles-mêmes les innovations. Puis il y a tous les gens qui ont dit « Oui, mais les entreprises font aussi des efforts quand même. Regardez, McDonald's a repeint son M avec un vert derrière. Enfin, avant c'était rouge, maintenant c'est vert. » Enfin, il y a tout ce discours ambiant. Et vous avez en face, comme j'ai dit, des politiques qui visent leur carrière de court terme, qui n'ont pas trop envie que les choses bougent, qui disent que verdir sur le côté un petit peu à droite et à gauche de trois choses, ben, ça va permettre de dire qu'on a un bilan en termes de mesures en faveur de l'écologie, sans avoir trop changé les choses. Mais la réalité, en fait, ce serait beaucoup plus simple, peut-être que ça va en choquer certains, mais de commencer par interdire des choses, interdire des choses, interdire des modes de production, interdire des modes de consommation, faire en sorte d'avantager des industries qui sont plutôt locales. Et puis, pareil, alors là, peut-être pour les jeunes, ce serait un peu mieux, mais d'éduquer une partie des jeunes sur l'impact, par exemple, du digital, etc., sur le climat. Il y a un tas de choses. Mais je parle des jeunes, pour qu'ils puissent avoir une formation qui soit en accord avec la transition écologique. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire comme ça, et c'est le politique qui doit les faire, en fait. Or, aujourd'hui, le politique ne veut plus rien faire. Il met quelques mesures à droite et à gauche d'adaptation, type taxe carbone, et c'est les gens qui devraient faire. Or, les gens ne le feront jamais. Et c'est pour ça que les entreprises soutiennent ce type de mesures, où c'est les gens qui font, plutôt que les politiques. La réalité, et ça, ce sera peut-être l'objet, si la gauche arrive au pouvoir, c'est d'avoir un rapport vraiment frontal avec un certain nombre d'entreprises pour changer les modes de production et les modes de consommation. On ne peut pas dire « consommez moins » et avoir des publicités partout qui vous incitent à consommer. On ne peut pas dire « roulez moins en voiture » et avoir des incitations, des publicités de l'incitation à l'achat de voiture. On ne peut pas dire « la voiture électrique va nous sauver » alors qu'on sait aujourd'hui que c'est faux. Il y a tout un ensemble de choses à revoir, et ça c'est le politique qui doit le faire, c'est le politique. Mais jusqu'à preuve du contraire, et c'est pareil dans le monde entier, hein, on a rarement eu des politiques courageux sur ces thèmes-là. Petite question bonus de fin. Thomas, hier, on a appris que Jean-Luc Mélenchon proposait finalement le SMIC à 1500 euros net au lieu de 1004 comme avancé jusqu'alors, notamment pour faire face à l'inflation. Alors ici, hein, on en a beaucoup parlé, de l'inflation, des salaires, de la hausse des deux. Qu'est-ce que tu penses de cette mesure ? Mais le SMIC, c'est quoi ? C'est le salaire minimum. C'est-à-dire que c'est un salaire de subsistance, parce que ce n'est pas un salaire où tu épargnes, tu t'enrichis, c'est un salaire de subsistance pour survivre, qui te permet d'acheter un panier de biens, qui te permet de survivre. Si ce panier de biens augmente avec l'inflation, bah, si on appelle ça un salaire minimum, il faut que le salaire minimum augmente et suive cette augmentation-là. Voilà. Sachant que l'immobilier augmente, tout augmente, enfin l'immobilier est à un très haut niveau. Donc moi je trouve aujourd'hui que si on appelle ça un salaire minimum, bah, il faut que ça reste un salaire minimum. Le problème c'est qu'aujourd'hui on appelle ça un salaire minimum, mais ce n'est pas un salaire minimum, parce que personne ne peut vivre avec. Personne ne peut vivre avec. Il y avait quand même des économistes, soit dit en passant, qui... Et Macron leur avait donné une commission sur le SMIC qui voulait le baisser dans certaines régions. en disant que bon, ben, il faut moduler le SMIC, c'est bien pour la compétitivité, en fonction du coût de la vie de certaines régions, et qui disait que dans certaines régions, comme c'était moins cher, il fallait le baisser. Par contre, à Paris, il ne fallait pas l'augmenter, hein, ou en région parisienne, il ne fallait pas l'augmenter, mais il fallait le baisser ailleurs. Là, aujourd'hui, on se rend compte que personne ne peut vivre avec ce SMIC. Moi, tous ceux qui sont pour baisser le SMIC, qui essayent de vivre à un mois ou deux, on peut faire une expérience naturelle, puisqu'ils sont fans de ça en économie, des expériences naturelles, de les faire vivre avec un SMIC de 3 mois, ils verront que c'est très compliqué. Donc, si un salaire minimum doit vous permettre de vivre au minimum, eh ben, il doit permettre d'acheter ce panier de biens et donc il doit augmenter. Il faut être, concret. Et s'il augmente, eh ben, voilà, il faut négocier avec certains secteurs d'entreprise qui refusent de le faire. On nous parle tout le temps de la compétitivité en nous disant que si on augmente les salaires, et finalement on va être moins compétitif qu'un Polonais ou qu'un Portugais parce que tout ça se passe souvent en Europe et donc on ne peut pas le faire. Mais la plupart des gens qui sont payés au SMIC sont des gens qui ne sont pas avec la concurrence internationale, c'est-à-dire la restauration, le service à la personne. Donc on pourrait augmenter facilement ces salaires-là sans qu'il y ait des effets négatifs sur la compétitivité internationale. Et l'argument hausse des salaires, hausse de l'inflation qui serait corrélé les deux. Je vais vous dire un truc, ce qui est marrant c'est que cet argument il est tout le temps mis en avant sur les bas salaires. C'est-à-dire que les hauts salaires ont explosé. Vraiment, les hauts salaires ont explosé ces dernières années. Enfin, on a eu les salaires de nos dirigeants, là, ils ont explosé. Là, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème. Et même les salaires, souvent, d'un certain nombre de dirigeants en dessous des patrons sont reliés, via des stock options, aux salaires, au cours de l'action. Et donc, ils augmentent aussi fortement. Là, on n'en parle pas. Par contre, quand il faut augmenter le salaire moyen même, le salaire d'un cadre moyen, le salaire d'un employé, le salaire d'un ouvrier, oulala, il y a un impact sur l'inflation. Donc non, il faut rééquilibrer les salaires, il faut rééquilibrer vraiment les salaires. Bien sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a cette boucle salaire-inflation, le salaire augmente, l'inflation augmente, le salaire augmente. Mais là, l'argument de dire qu'il ne faut pas augmenter les bas salaires parce que ça enclencherait cette boucle salaire-inflation qui nous amènerait à l'hyperinflation de la Hongrie d'après-guerre, il faut se calmer là. L'économie n'est pas en surchauffe, on a 0% de croissance, on a 5 millions de personnes qui sont au chômage. Donc il y a de quoi augmenter les salaires sans que ça crée cette hyperinflation que certains agitent, encore une fois, comme la dette pour ne pas augmenter les salaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant Porcher. Et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Merci pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine. Avant d'acheter ma carte vermeille pour faire des voyages au soleil ou entrer dans ma tour d'ivoire pour enfin jouir de mes avoirs, avant que ma tête soit ramollie, avant que mon corps ait trop vieilli, avant que les vers me ponctionnent, je voudrais qu'on éclaire ma route, que l'on m'explique une fois pour toutes comment l'État ça fonctionne. Ce gros machin mystérieux qui fait que les gens sont pas heureux. Je dis avant que ma voix ne se perde, l'État, c'est l'État de merde. Dire que l'État est eschatologique, c'est pas vraiment très sympathique pour la vraie fiente, le vrai crottin qui engraisse si bien nos jardins. Comparer l'état d'état, de bouse, de purin, de lisier, c'est négatif comme postulat. On est quand même les héritiers de la grande révolution que le monde entier nous envie. Mais la peau vieille perverti, épuisé par la concussion, n'a plus vraiment grand chose à perdre. L'État, c'est l'état de merde. Vive le père Ubu! L'État, après tout, c'est virtuel. C'est comme le bon Dieu et ses saints. Ça n'a pas d'existence réelle. Ça sort de nos esprits malsains. Mais ça commande à la justice, ça fait la loi et la police, ça joue avec le nucléaire. Ça décide si on fait la guerre avec l'argent des citoyens. Avouez que c'est quand même pas rien. Faut croire qu'on a l'esprit patraque pour supporter de telles arnaques. Masochiste, on aime bien marcher dans l'état de merde. Ça fait 60 ans que je respire, et plus ça va, plus ça empire. Hier, pour former ma jeunesse, j'ai eu ma petite guerre coloniale. Et puis 40 ans de promesses, raison d'état, discours moral, xénophobie et exclusion. Gouvernés par des maquignons, on se demande qui les a mis là. Pardi, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Demain, l'Europe du capital, la flexibilité mondiale. Désespéré, je m'asphyxie dans l'état de merde. Plus de presse. Alors, mercredi 27 avril 2022, c'est déjà un peu ancien, hein. Alors, que nous dit Philippe Martinez? Eh bien, Macron qui va changer, c'est du réchauffé. C'est ce qu'il nous annonçait, Philippe, le 27 avril. Eh bien, vous avez eu, hein, il s'était pas trompé. Hein. Social, à la veille du 1er mai, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, mobilise pour rappeler au président réélu, mal élu et légitime, les exigences sociales, et il doute fortement qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse de changer de méthode. Vous aviez appelé avec Laurent Berger de la CFDT, tiens, ça existe encore la CFDT, c'est encore un syndicat? Oh, moi j'y crois plus, hein. À ne pas voter pour Marine Le Pen, êtes-vous satisfait du résultat? Alors, le commentaire, ben, c'était de moi, hein, pas du journal. Je suis satisfait qu'elle ne soit pas présidente de la République, mais je suis inquiet de son score. Il ne faudrait pas que Macron considère que les 58% comme un vote d'adhésion à son programme. Eh ben non, eh ben non. Parce que avant Monsieur Macron, il y a 5 ans, nous avions 6 millions de chômeurs en France. Nous avons toujours 6 millions de chômeurs, et même un peu plus en 2022. Et rappelons que aussi qu'en Allemagne, en 1933, ils avaient 6 millions de chômeurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Eh bien, ils ont voté pour Hitler. Ça nous a fait une guerre mondiale et 64 millions de morts. Les déportés, des maisons, enfin bref, une guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale est due au bulletin de vote des Allemands en 1933, qui lui-même, ce bulletin de vote, était dû au chômage. Alors, je reviens au journal. Je suis satisfait qu'elle ne soit pas présidente de la République, mais je suis inquiet de son score. Il ne faudrait pas que Macron considère les 58% de voix comme un vote d'adhésion à son programme. Est-il mal élu? Mal élu, oui. Bon, légitime. Selon un sondage IFOP, les personnes se sentant proches de la CGT ont voté à 44% pour Jean-Luc Mélenchon. 21% pour Marine Le Pen et 10% pour Emmanuel Macron. Alors, réponse de Philippe Martinez. Je constate d'abord que selon ce sondage, les personnes proches d'un syndicat votent moins pour Le Pen, mais je note aussi que tous les syndicats voient le vote Le Pen progresser nettement en leur sein entre 2017 et 2022. Nous devons donc intensifier nos formations sur l'extrême droite auprès des salariés, voire des militants. Voilà. Vous n'êtes pas inquiet, vous? Eh bien, moi aussi. Hein, parce que ce que dit Philippe Martinez, là, ça montre son inquiétude aussi. Eh oui. Et il sait bien, lui, que quand on ouvre un livre d'histoire, on fait des découvertes. C'est pas comme les journaux. Dans nos journaux, on n'est pas trop informé. Les points que l'Union populaire veut garder comme socle, la retraite à 60 ans, l'abrogation de la loi El Khomri et des contre-réformes du Code du travail et de l'assurance chômage, augmentation du SMIC à 1500 euros net, c'était marqué 1400 euros mais depuis il a fallu mettre à jour, parce que ben oui, les prix augmentent. Hein. L'allocation d'autonomie jeunesse et la garantie dignité à hauteur de 1063 euros par mois, le blocage des prix des produits de première nécessité, la planification écologique et la règle verte, la 6e République et le référendum d'initiative citoyenne, le développement des services publics, le refus de leur privatisation, ouverture à la concurrence, consacrer 1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmes, une fiscalité plus juste avec notamment le rétablissement de l'ISF de l'impôt sur la fortune et l'abrogation de la flat tax. Flat tax, what is it? Is it a French word? L'abrogation des lois séparatisme, abrogation des lois de sécurité globale, désobéissance avec les règles européennes incompatibles avec nos propositions. Voilà, alors voilà un programme. Hein. Ensuite, carte d'identité et passeport, des délais accablants. Les robots de Konica Minolta cherchent des humains à Eloi. Si vous rencontrez des humains qui sont intéressés par Konica Minolta, eh bien voilà. Eh bien voilà. Faute d'effectifs suffisants. Les urgences fermées pour une nuit. Ça s'est passé où ça? Pas à Dakar ou à Djibouti. Non, c'est à Remiremont, la cité des chanoines. Mercredi 18 mai 2022, Vosges matin, maternité, hôpital, école, poste, mairie, commerce, logement, habitants de Remiremont, zéro. Ben oui, si on ferme la maternité, ça permettra de fermer les écoles maternelles, puis de fermer les écoles, et puis les collèges, et puis le lycée, et puis l'hôpital, et puis la poste, et puis la mairie, et puis les commerces, et les logements, finalement. Ce qui est embêtant dans une municipalité, ben c'est qu'il y a des habitants. Il n'y aura plus de routes à entretenir, il n'y aura plus d'immeubles à construire et à entretenir, il n'y aura plus, etc. S'il n'y avait plus d'habitants. Donc, fermons la maternité et on résoudra tous les problèmes de la commune, du département, de l'État, etc. Et le problème de surpopulation mondiale, il serait résolu. Eh oui. Eh oui, plus de problème avec les éoliennes qui font du vent, qui font du bruit, qui sont pas belles dans le paysage. Plus de problème avec les centrales nucléaires qui font pas de bruit, qui font de l'électricité et puis qui sont bien à tout point de vue. Enfin, disent certains, hein. Vous pensez ce que vous voulez, hein. Moi, peut-être que je dis des bêtises, hein. Un peu exprès. Remiremont accueille des urgences pédiatriques à l'hôpital. De nouveaux changements. Le collectif Parents en colère 88 organise ainsi une rencontre à l'hôpital de Remiremont ce jeudi 19 mai à 14h pour alerter sur les désagréments et dangers occasionnés par cette décision. Voilà, voilà. Eh oui, réaction. L'hôpital, les hôpitaux en général. Eh oui, le ministère de la Santé est malade. Eh oui, la ministre de la Santé, le ministre de la Santé sont malades. Et ils sont contagieux. Pourquoi la France? Sur les 56 réacteurs nucléaires en activité, 28 étaient à l'arrêt mercredi. Des fermetures qui s'expliquent par des opérations de maintenance, hein, mais aussi par des micro-fissures. C'est pas beaucoup micro, hein. Sauf que c'est sur des tuyaux en acier qui devraient être particulièrement résistants. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a de l'eau sous pression et très radioactive qui circule, et s'il y a une fuite, ça peut être... Bon, alors, mais aussi des micro-fissures dues à la corrosion, dont les réparations pourraient durer plusieurs années. Les antinucléaires y voient le signe d'un déclin programmé. Oui, les centrales de l'Hexagone possèdent une capacité de production totale de 63 gigawatts. Alors, 12 des 28 réacteurs à l'arrêt le sont à cause de micro-fissures. Des micro-fissures. Y a-t-il des micro-fissures dans le gouvernement? Est-ce que Monsieur Macron, est-ce que Madame, comment elle s'appelle déjà la nouvelle première ministre, ont des micro-fissures? Non, on n'aurait pas voté pour. L'humanité court à la catastrophe climatique, alerte l'ONU. Dans un nouveau rapport, l'ONU confirme que 2021 a été une année de tristes records, à la fois pour la concentration de gaz à effet de serre, l'élévation du niveau de la mer, ou encore la température et l'acidification des océans. La pollution a été responsable de la mort prématurée de 9 millions de personnes en 2019. Selon une étude publiée mercredi dans la revue britannique The Lancet. Dans les radios libres. 270 000 postes non pourvus dans l'hôtellerie-restauration. Et il y a 6 millions de chômeurs d'un côté et 270 000 postes non pourvus. Oh, c'est pas bizarre ça. hein? C'est peut-être un peu bizarre, ce genre d'information. Information entre guillemets, hein. N'oublions pas les guillemets. Quand on parle d'information qu'on a prise à la radio, à la télé ou dans les journaux, il faut mettre des guillemets avant et après. Météo, une large partie du pays menacée par la sécheresse. La sécheresse. Tiens, il y a beaucoup de gens d'Afrique qui viennent en Europe pour trouver du travail et puis de l'eau, hein. Et maintenant, il y a la sécheresse. De plus en plus chez nous. Ah. NUP, un programme partagé. L'Alliance des partis de gauche a présenté jeudi sa feuille de route en cas de victoire aux législatives. Un projet de gouvernement dans une rupture maîtrisée, raisonnée mais ferme, avec comme promesse le SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans, la transition écologique et plus de services publics. Voilà. Jean-Luc Mélenchon et ses alliés de gauche ont présenté leur programme pour les législatives. Alors il y a un sondage Opinion Way Care Partners pour les francs, les échos contre 27% de la manière ensemble qui réunit les Alliés. Alors à côté j'ai marqué Is it French? Opinion Way Care Partners. Vous avez vu les agences de sondage avec des noms français, elles publient plus de résultats là. Depuis que la nouvelle union de la gauche est constituée, il n'y a plus beaucoup de résultats. Hein. On fait appel à une agence anglo-américaine, sans doute, hein, vu le nom. Hein. À moins que ce soit le nom d'un groupe de foot ou d'un groupe de rock, je ne sais pas. Alors, contamination alimentaire, des contaminations de plus en plus fréquentes. Alors, il y a en cause la listeria que l'on trouve éventuellement, en cherchant bien, dans les œufs Kinder. Il y a des salmonelles, des pizzas buitoni, etc., etc. Voilà. Oh, tout ça c'est contrôlé par l'État, par le gouvernement. Hein. Ceux qui ont été députés pendant 5 ans, ils ont fait ce qu'il fallait pour empêcher ce genre de catastrophe. Oui, oui, les gens qui sont gravement malades ou qui meurent suite à des intoxications alimentaires, c'est parce que, bon, à la télé, on nous a montré pendant quelques secondes un bout de l'usine Buitoni. Oh là là là, c'était pas propre, hein. Si ça serait sale comme ça dans notre cuisine, je pense qu'on aurait des scènes de ménage, hein. Ah oui, ces espèces sont mutées après la catastrophe de Tchernobyl. Après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les scientifiques ont observé l'évolution de la nature et des nombreuses mutations génétiques induites par les radiations. Bon, on ne va pas lire l'article complet, hein, parce que ça nous saperait le moral. On aurait plus le moral après ça, puis on se mettra à voter mal. On voterait mal. Alors que le Vosgien, il vote bien. Ah, le Vosgien, il vote bien. Oh oui, oui, oui, oui. Ah oui, il vote pour son bien. Enfin, pour son bien ou le bien des autres, hein. Ouais. Vosges, le boom des piscines et spas privés. Ah, tout à l'heure, il était question de sécheresse. Et maintenant, ben, on fait des piscines et des spas privés. Bon, ben, peut-être que ces machins-là, ils seront privés d'eau, bientôt. Eh oui, bon, ben, c'est la nature que vous voulez, on n'y peut rien. On n'est pas responsables, nous autres, les humains. Retraite à 65 ans. Borne passe le relais à Dussopt. Borne passe le relais à Dussopt. La retraite à 65 ans. Ah, bon, fou. Qui verra, hein. Ça dépendra comment les gens voteront, hein. Professeur Cyril Tarquignon, notre société manque de psychologie. Dans votre ouvrage préfacé par Boris Cyrulnik, les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, vous avez vulgarisé la psychothérapie. Point de suspension. Alors réponse, je suis très attaché au fait que le savoir académique soit à la portée du plus grand nombre. Nous vivons dans une société qui manque de psychologie. Des connaissances peuvent être mises à disposition de chacun pour mieux comprendre celui que l'on est. Eh oui, celui que l'on est. Et puis, comme on est dans une période électorale, on pourra ajouter celui que l'on est. H-A-I-T. Parce qu'il y en a quelques-uns que l'on peut haïr. Eh oui, parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Ils n'ont pas fait de bien et ils ont fait du mal, ces gens-là, pour qui certains ont voté. Eh oui. Soupçonné d'avoir voulu prostituer une ado de 13 ans, dimanche 22 mai 2022. Vosges-Matin, Nancy. Un homme et une femme du Nord ont été arrêtés dans une location Airbnb à Nancy, puis écroués. Ils sont soupçonnés d'être les proxénètes d'une jeune fille de 16 ans. Ils auraient aussi voulu prostituer une ado de 13 ans qui a réussi à s'échapper. Ils ont été écroués. Et voilà, vous voyez que hein, la police elle fait son boulot, hein, par endroit, par moment. Le très haut débit contre Orange, le maire d'Épinal voit rouge. Le maire d'Épinal voit rouge. Hein, je savais pas qu'il était cette couleur-là. Chargé de procéder au déploiement du très haut débit sur la commune Orange, œuvre à Épinal depuis 2018, mais l'opération suscite toujours des remous. Le maire de la cité dénonce des aberrations d'aménagement et un manque de concertation avec ses services. Ben, si elle n'avait pas privatisé tout ça, ça marcherait beaucoup mieux. Hein, moi, j'en connais qui a eu des problèmes avec la fibre optique. C'est un bazar indescriptible. Les machins privés. Ils nous privent de tous nos droits, les machins privés. Alors, tiens, la bourse. Quelles sont les actions qui sont à la hausse? Alors, il y a une action qui est à la hausse, 124 euros. GTT, elle est à la hausse de 50,76%. Et puis alors, une autre action qui est toujours en hausse, ben c'est Dassault Aviation, 154,60 euros. Elle a augmenté de 62,74%. Dassault Aviation. Ah, peut-être que les guerres qui ont lieu un petit peu partout dans le monde, ça rapporte de l'argent, monsieur Dassault. Eh oui. Eh ben oui, ben voilà, on sait où il faut investir pour gagner des sous. Il faut investir dans l'armement, hein, dans les guerres. Doctolib, des données médicales mal protégées, point d'interrogation. Certaines données médicales présentées sur Doctolib ne sont pas entièrement protégées, selon une enquête publiée vendredi par la cellule investigation de Radio France qui montre que ces informations sont accessibles aux salariés de la plateforme. Doctolib ne chiffre pas de bout en bout l'ensemble des données de ses utilisateurs. Ah, alors on est censé faire confiance à des gens, et puis voilà, et puis il y a des gros risques. Hein. Alors, activité moyenne d'un député de chaque groupe politique sur toute la législature. Alors, en tête, LFI, la France insoumise, 17 députés, hein, 17 députés seulement. Activité, 100, semaine d'activité, 162. Réunion, 238. C'est eux qui sont les champions. Intervention, 833, intervention longue, 1605, intervention courte, 1161, proposé, 3500 amendements proposés, 3557, amendements signés, 18913. Ensuite, proposition écrite, 12, signée, 184, question écrite, 121, orale, 33. Et les autres, ben les autres, ils sont dans les choux. Même s'ils sont beaucoup plus nombreux, les députés LREM, MoDem, etc., eh bien, ils sont dans les choux. Voilà. Et les insoumis sont beaucoup plus actifs. Eh oui. Les gens de gauche qui sont vraiment de gauche, ben ils sont vraiment actifs. Eh oui. Ben oui, c'est normal. Selon l'agence Bloomberg, 20 entreprises européennes ont déjà ouvert des comptes auprès de Gazprom Bank pour payer le gaz russe en convertissant les euros en roubles. 14 autres clients ont demandé des documents nécessaires pour les ouvrir et 4 ont déjà effectué le paiement en roubles. En effet, le temps presse, le délai de paiement pour les expéditions d'avril pour les principaux acheteurs de l'Europe de l'Ouest approche ce mois-ci. Le 11 mai, le Premier ministre italien a même annoncé que l'Allemagne avait déjà commencé à payer le gaz russe en rouble. De plus, les dépenses allemandes en imposition de marchandises en provenance de Russie ont augmenté de 77,7% en mars, soit 4,4 milliards d'euros. Et les chiffres sont dus à la hausse du prix du pétrole et du gaz, etc., etc. Voilà, on va garder un peu pour une autre fois. Alors, des dessins, là... Produits français, la matière première vient du Chili. Les éléments sont fabriqués en Chine. Et le tout est assemblé en République tchèque. Alors l'interlocuteur il pose la question, mais qu'est-ce qui est français alors? Eh bien l'autre il répond, les taxes. Troisième circonscription, remirement, 8 candidats. Stéphanie Bailly, lutte ouvrière. Marina Collin-Duparc, les patriotes, c'est-à-dire Philippot. Anne-Caroline Herbe, reconquête, Zemmour. Zemmour, hein, Zemmour. Alors, Zemmour. Pierre-François, RN, je pense que c'est. Christophe Neigelen, UDI et indépendant. Béatrice Pierrat, EELV, Europe Écologie Les Verts. Candidate NUP, N-U-P-E-S. Hein, oui. Nouvelle Union Populaire Écologiste et Socialiste. Stéphanie Villemer, Renaissance, Félix Zirgel, etc. Bon, voilà les candidats. Hein, les candidats pour qui certains d'entre nous vont voter. Alors, Jean-Michel Blanquer a envoyé un mail. Chers lycéennes, chers lycéens, à vous qui allez passer les épreuves de spécialité du baccalauréat, à partir de demain, je vous présente tous mes vœux de réussite. Alors, chers lycéennes, chers lycéens. Alors, chers lycéens, C-H-E-R-S, lycéens, du masculin. Bon, c'est masculin. Chers lycéennes, C-H-E-R-S. Et il a peut-être oublié le E du féminin. Le ministre, l'ancien ministre de l'éducation nationale, hein, et des gens comme ça qui font des fautes d'orthographe, hein, vous y croyez, vous? Ah, ben non, voyons, ben non, allez. Noé Gauchard, j'affronterai donc la première ministre Elisabeth Borne aux élections législatives. Bon communiqué, les 12 et 19 juin, envoyé à Normand à l'Assemblée. Elisabeth Borne, nommée première ministre, bon communiqué, je viens d'apprendre l'investiture d'Elisabeth Borne, première ministre du gouvernement Macron. Je saute un peu, quant à son action au ministère du Travail, il s'est résumé à lutter contre les chômeurs, plutôt que contre le chômage, et a précarisé davantage les travailleurs. Voilà. Alors sa spécialité, c'est la maltraitance sociale macroniste. Voilà. Eh oui. Et il y a des gens qui vont voter pour des gens comme ça. Il y a des gens. Eh oui. Mais je vous dis, les Allemands, ils ont voté à 43,5% pour Hitler en 1933. Hitler était élu. Eh oui. C'est les Allemands qui ont mis Hitler au pouvoir avec un bulletin de vote. Un bulletin de vote. Alors il y en a, ils ont été punis, hein, parce qu'ils se sont tapés la course, la marche. Berlin, Stalingrad, aller-retour, à pied. En partie. Et puis sous les balles, les bombes, etc. Ah bah oui, parce que les Russes, les Soviétiques leur ont pas fait de cadeau quand même. Ah ben, c'était eux qui avaient franchi la frontière cette fois. Damien Abad, tout juste nommé au gouvernement, accusé de viol. Défendu par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, accusé de viol. Et par Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui traite les féministes de, ouvrons les guillemets, folasses qui racontent des conneries, fermons les guillemets. Il a fière allure, le premier conseil des ministres du gouvernement Borne, aujourd'hui, signé Manon Aubry. La Macronie supprime 17 900 lits d'hôpitaux en 5 ans et gruge 1 milliard sur le budget de l'hôpital l'année dernière. L'hôpital, cet été, des tas de gens vont mourir parce qu'ils n'auront pas de prise en charge adaptée et vont stagner sur des brancards. Alors, des exemples, il y en a beaucoup. Des exemples, il y en a beaucoup. Alors, ça, c'est une attitude criminelle. C'est-à-dire que si on cherche, il y a des responsables. Hein, les responsables, c'est pas forcément le personnel qui est présent ou qui était présent à l'hôpital ce jour-là. Ce sont les gens qui ont pris la décision de supprimer des postes. Eh oui. En 33 ans, c'est-à-dire depuis 1986, la population française a augmenté de 13 millions d'habitants, soit une augmentation de 18,5%. En même temps, le nombre d'écoles a diminué de 24%, le nombre de perceptions de 31%, le nombre de gendarmeries a diminué de 13%, le nombre de gardes de 28%, celui des maternités de 48%. chiffre donné par la Gazette des communes. La réduction de la dépense publique, c'est ça. C'est un moment important hein, de faire une campagne ensemble. On a beaucoup de fierté à faire cette campagne avec vous, avec l'ensemble des représentants de ces différents collectifs et partis politiques présents dans les différentes vallées du territoire. C'est clairement un espoir pour l'avenir. Alors on le sent un peu comme ça, on a envie de vivre comme ça. Et clairement aussi, on a envie d'aider Béatrice Pira et Gilles Billot à être présents jusqu'au bout dans cette élection et voir ailleurs, voir au-delà. Donc notre souhait, bien évidemment, c'est qu'on puisse être la cheville ouvrière de ce qui va se passer dans cette législature. Donc je vous propose de donner la parole à Gilles Dumont qui va aider aussi parce qu'il a le soutien et qui peut être recyclé aussi pourquoi on est arrivé là. Parce que finalement on est dans une époque un peu étonnante. Hein. Avec une présidentielle avec la conflit internationale quelques mois avant, avec le Covid des années précédentes. Et personne n'imaginait que cette présidentielle n'aurait pas forcément de la gauche avant le deuxième tour. On a vu tout faire contre la gauche au deuxième tour. Elle l'a pas été, mais il y a quand même eu 22% pour Mélenchon. Il y a eu très peu de voix pour les partis politiques traditionnels de la gauche. C'est clairement insuffisant. Mais le total de ces voix-là aurait dû nous permettre d'être présents au deuxième tour. Donc on n'a pas réussi à gagner ce pari présidentiel. C'est clair qu'aujourd'hui on est dans un troisième tour, qu'il y a véritablement une chance que certains sondages... Je laisse des trucs à raconter. Non mais là, je l'ai dit parce que... Voilà. Mais proche de zéro. Franchement, à part quelques personnalités qui avaient dit avant... J'irai de toute façon, c'est mon tour, j'y vais. Il y a quelques dissidences, mais franchement, on est loin de l'hécatombe qu'on a pu connaître avec des accords politiques précédents. Donc aujourd'hui, le Parti communiste, le Parti socialiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts et d'autres partenaires du pôle écologiste ont fait campagne commune sous l'étiquette Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale dans toutes les circonscriptions. Avec bien sûr chacun notre passé, chacun nos histoires, mais on fait une seule campagne avec un programme qui a été construit, qui a été dévoilé lundi dernier. Ouais. Lundi dernier. Vendredi après-midi. Nous, on l'a eu vendredi, mais il a été dévoilé. Et effectivement, c'est un programme politique, global, pour être un parti qui gouverne, qui tient le Parlement et qui dirige la France. C'est pas juste un faux programme ou un non-programme comme peuvent l'avoir d'autres candidats. Et ce programme, le programme de la Nouvelle Union, il est tenu, il est porté ici, et je crois que c'est la meilleure chose. Il faut aussi des gens qui font de la politique pour écouter, parce que comme on le dit souvent, il y a beaucoup de politiciens qui font de la politique, mais surtout pour eux-mêmes. Et je pense que cette opportunité de la NUPES, la NUP, on appelle ça comme on veut, la Nouvelle Union Populaire Écologique Sociale, avec le collectif ABC Agir pour le bien commun, je pense que c'est vraiment une opportunité de profiter d'un accord national et d'une représentation locale pour défendre les intérêts de notre territoire, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont très spécifiques à notre territoire, je pense à l'eau, je pense aux services publics et notamment à la santé, je pense à l'emploi, c'est important de vous dire. Voilà. On m'a posé la question tout à l'heure en disant que c'était lui, ça ne pas. C'est une question qui revient souvent. Mais que je ne peux pas rappeler. Donc si je suis élue, bah, je suspends mon contrat de travail et je vais inviter ici dans les. Une promesse de la famille, on est bien. Moi, j'ai le type que vous connaissez depuis qu'on allait faire de la luge, du coup. Voilà. Donc, bah, si je fais.